Alléluia. Amen. Que la gloire et l'honneur soient rendus à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est pour lui que nous sommes ici. Et c'est pour sa gloire que nous chantons à son honneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je rends acte de grâce à notre Dieu qui m'a gardé parmi vous toute la semaine. Que son nom soit loué à jamais. Je remercie aussi la famille de mon frère Ngoy pour tout ce qu'elle a fait pour moi. Que Dieu la bénisse richement. Si telle est la volonté du Seigneur, je compte à terminer ou arrêter ce matin pour continuer à aller ailleurs. Et je ne sais pas si vous m'autoriserez d'apporter vos salutations là où j'irai au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Tout-Puissant vous bénisse richement. Au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup pour le soutien de vos prières. Nous pouvons nous mettre debout pour honorer sa parole. Nous sommes dans le livre de Romains, nous n'avons pas changé notre thème. Et le livre principal reste toujours celui de Romains. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Romains 11, verset 11. Voici ce que nous avons lu tout au long de la semaine. Je dis donc, et c'est pour tomber qu'ils ont branché, loin de là, mais par les chutes, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils soient excités à la jalousie. Oh, si les chutes ont été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus ça sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Et au verset 15, car si les mises à l'écart ont été la réconciliation du monde, quelle sera la réintégration? Sinon, le passage de la mort à la vie. Oh, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et toi qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier, ne te glorifie pas au départ de ces branches. Sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je sois greffé. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas l'orgueil, crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté, la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retourné t'étranger. Et demain, mais s'il ne persiste pas dans l'incrédulité, ils seront greffés. Car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage selon sa nature, et greffé contrairement à ta nature si l'olivier est franc, à plus forte raison, ils seront-ils greffés selon leur nature, si les propres oliviers. Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme sage. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Nous ajoutons encore une écrit dans le livre de la Genèse, chapitre 48. Mwanjo, sura makumi ine na munane. Verset 5 est dit, Musari atano inasema, ça c'est Jacob qui parle à Joseph, son fils, quand il est arrivé en Égypte. Il dit maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée, vers toi en Égypte, seront à moi. Ephraim et Manassé seront à moi, comme Ruben et Simeon. Nous sautons. Nous prenons le verset 13. Puis Joseph les fit tous deux, les prit tous deux. Ephraim est de sa main droite, à la gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche, à la droite d'Israël, et il les fit approcher de lui. Au verset 16, on continue un peu la lecture, verset 14. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm, qui était le plus jeune. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. C'est avec l'intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Et le verset 17, Joseph vit avec des plaisirs que son père posait sa main droite sur la tête d'Ephraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner sur la tête d'Ephraïm et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, pas ainsi mon père, car celui-ci est le premier-né, pose ta main droite sur sa tête. Son père refusa et dit, je le sais mon fils, je le sais, lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude des nations. Verset 20, il est béni ce jour-là et dit, c'est par toi qu'Israël bénira, en disant que Dieu te traite comme Ephraïm et comme Manassé. Et il mit Ephraïm avant Manassé. Je l'aime, je l'aime, Jésus. Je suis le premier. Le premier. chacun de nous prie en peu de mots. Kila mmoja wetu aombe kwa ufupi. Dieu de grâce et de miséricorde, je te consacre cet auditoire entre tes mains. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu, pouvez vous asseoir. Unaweza ukala. Bien-aimés dans le Seigneur, wapendwa katika Bwana, nous venons de lire le livre des Romains. Tunatoka mkusoma kitabu ya Warumi. Dans ce que nous venons de lire, il y a trop de profondeur. Mwile tunatoka kusoma mku upana mingi. C'est un évangile, un enseignement que l'apôtre Paul, ni a mafundisho ele mtume Paulo, bien que dans la chair, il était juif. Atavile mumwili alikuwa Myuda. Il était l'un des fils d'Israël. Alikuwa mmoja wa watoto wa Israeli. Mais il avait reçu le ministère et le mandat. Alipokea mwito na huduma. De venir chez nous les païens. Ya kuya kukwetu sisi wa mataifa. Pour nous montrer ce que Dieu a fait pour nous. Ya kutuonesha kile Mungu alitufania. Et quand il est arrivé chez Romain, comme ici à Cambove, il était en train maintenant de leur montrer ce qui s'est passé pour que le salut arrive chez les Romains. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le salut arrive chez nous? Les nations. Ni nini ilifanyika juu ya wokovu itufikie sisi wa mataifa. Et il dit que je ne veux pas vraiment que vous restiez dans cette ignorance. Na anasema mimi sipende mubakie mwile hali ya kutokujua. Il a appelé cela c'est un mystère. Aliita kwamba hii ni siri. Mais il a essayé aussi de nous révéler ce mystère. Alipima kutufunulia hii siri. Afin de comprendre le plan de la rédemption pour chacun de nous. Ili tupate kuelewa mapu ya ukombozi kwa kila mmoja wetu. Et nous avons essayé de montrer puisque cet élément vaste et profond avec une semaine, c'est totalement impossible de pénétrer et de parler de tous ces chapitres. Tulipima kuyonesha kwani iku mingi na murefu na upana mjuma moya tuwezi kuyonesha yote mwimpana. Mais par la sagesse du Saint-Esprit, kwa ikima Roho Mtakatifu, nous prenons des types pour essayer de vous représenter en grosso modo la situation. Tunachukua mifano juu kumionyesha katika wingi mambo yote vile iko. Puisque nous ne sommes pas des intellectuels. Wani sisi hatuna watu wa kujifunza. Nous sommes un peuple de la révélation. Lakini tuko taifa ya ufunuo. Et c'est cette révélation là que nous essayons de montrer aux enfants de Dieu. Na ni ufunuo tunapima kuonesha watoto ya Mungu. Afin que vous restiez posé et stable dans ce que nous avons crié. Puisque nous avons crié la bonne chose et nous sommes dans la volonté parfaite de Dieu, ne bougez pas, restez fermes. C'est en restant ferme dans cette bonne parole que Dieu nous bénira, que ce soit dans la vie d'ici-bas et dans la vie d'en haut. Dieu mule Mungu atatubariki ikiwa maisha hapa dunia au maisha kumbingu. Tout ce que nous avons besoin, wani leote tunahitaji, ne proviendra pas d'ailleurs, haitatokea fasi nyingine, mais proviendra seulement de la parole de Dieu. Lakini itatokea paka muneno la Mungu. Et la parole de Dieu, la source de ravitaillement, Dieu chemchemu ya kupata chakula, de toute notre existence sur cette terre. Dieu akuishi kwetu hapa pa dunia. Si ni moi vous croyez que vous êtes de Dieu. Ni paka kama mnaamini asema mko ba Mungu. Et l'apôtre Paul a montré Israël, Dieu l'a aveuglé. Israël, Mungu alimupofusha. Pour qu'il tombe dans l'incrédulité. Afin que Dieu puisse les éliminer. Ile Mungu papa et venir chez nous les nations. Na kuja kwetu kwa sisi il a appelé les oliviers sauvages. Pori. Il n'a pas pris l'olivier tout entier. Asikujue muti mzima mais il a pris simplement des branches de l'olivier sauvage. Tu matawi ya muti ya pori. Et il est venu nous remplacer dans la place qu'occupait une partie d'Israël. Kutuchomeka pa fazi ile ilikuwa nekala kipanda Israël. Et en nous remplaçant là où était Israël, mkutuweka pa fazi pale palikuwa Israël. C'est pour bénéficier la vie de la sève et de l'olivier. C'est pourquoi la même vie spirituelle, le même œuvre de la rédemption que Dieu avait fait en Israël, par la grâce de Dieu, nous allons aussi les voir, que ce soit les mêmes bénédictions, la même vie, les mêmes résultats qui doivent se produire être dans l'église des nations. Il n'a pas connaissance à Mukanisa Bamataifa. Parce que nous sommes Israël. Wani sisi na Israeli. Nous n'avons pas de dieux différents. Atuna na miungu mbili ya kwa chana bana. Nous avons les mêmes dieux. Kuna Mungu moja moja. C'est pour cela même. Jopa mana. Le vendredi. Mukazitano. Nous étions conduits par l'esprit de Dieu. Tuliongoziwa na roho ya Mungu. De se référer à l'histoire d'Esaïe et de Jacob. En prenant le type d'Esaïe et de Jacob, nous pouvons bien donc déterminer, cataloguer maintenant la position d'Israël et des nations. Entre Israël et nous les nations, c'est Israël qui était le premier à recevoir le Messie. Mais comme Israël n'avait pas eu la révélation, au moyen de son incrédulité, il a vendu, il a rejeté ce Messie. Il a rejeté ce salut. Et nous, comme Jacob, c'est par la révélation. Au moyen de la foi, nous avons récupéré la chose que Israël était. Mais donc Israël ne savait pas sa vraie valeur. Mais nous, les gens des nations, nous connaissons la valeur de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avions dit ceci. Dans Genèse 5:29, comme Jacob faisait cuire un potage, vile Yakobo arkwana choma arkwana pika malaki, Esaïe revint des champs accablé de fatigue. Isaïe artoka kumashamba mwenye kusonga na njala. Esaïe dit à Jacob, akamwambia Yakobo, laisse-moi, je te prie, manger de ces roux. Uniache kunikule chakula yako. Et au verset 20-31, Jacob a dit, vends-moi aujourd'hui ton droit de nains. Jacob a répondu. Jacob a dit, Esaü répondit, Esaü akajibu, voici je m'en vais mourir. Tazama mimi naanza kufa. À quoi me sert ce droit de naissance? Et Jacob a dit, jure-moi d'abord. Et il lui jura. Et il vendit son droit de naissance à Jacob. Alors Jacob donna à Esaü du pain et des potas de lentilles. Il y mangea et bit, puis s'éleva et s'en alla. C'est ainsi qu'Esaü méprisa les droits de naissance. Et nous avions dit ceci. Il y a trois choses au sujet des droits de naissance. Qu'est-ce que signifie les droits de naissance? D'où proviennent les droits de naissance? Cela fait partie de la loi de Dieu lui-même. Pour avoir les droits de naissance en Israël, j'avais dit il y a trois choses. Il y avait le premier rené, et celui qui naissait comme le premier rené, c'est celui qui avait les droits de l'héritage de son père à une grande quantité. Et cet héritage-là, on appelle ça les droits de naissance. Mais quand ces droits de naissance appartenaient au premier-né, ce n'est pas le même jour que le premier-né naissait qu'il devait hériter cet héritage. Il devait grandir pour entendre de recevoir ce que nous appelons troisièmement la bénédiction des droits de naissance. Et nous avons fait allusion avec l'Église pour aussi avoir droit à l'héritage de Dieu. Il faut premièrement naître dans la famille de Dieu, la nouvelle naissance. Et nous qui sommes nés de nouveau. La Bible nous appelle. Nous sommes les premiers-nés. Et nous appartenons dans l'église de première. Et nous sommes de nouveau. Nous avons l'héritage que nous héritons en naissant dans le royaume de Dieu. Cet héritage, c'est la parole de Dieu. Que j'avais précisé le message de l'air. Et dans ce message que Dieu nous a donné au moyen de la nouvelle naissance, nous avons aussi la promesse de recevoir les bénédictions des droits d'élèves. Je dis cela, les bénédictions, parce que ce n'est pas simplement une seule bénédiction. Nous allons voir qu'il y a beaucoup de bénédictions que Dieu nous a promises. Mais Israël, comme Esaü, qui détenait premièrement les droits des nains, ne savait pas la valeur de ces droits des nains. Pourquoi? Il n'avait pas la révélation. Et à cause de cela même, Esaü, qui avait les droits des nains, manquait la révélation de ces droits des nains. Ne croyait même pas que ces droits des nains est une source de bénédiction pour lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Il méprise en disant: à quoi me sert ce droit de naissance, puisque je risque de mourir à cause de la famille. Donc pour lui, La Bible dit au verset 34. Alors Jacob lui donna à Esaü du pain. Donc pour Esaü, le pain, c'est ce qui était plus important que les droits de naissance que lui détenait. Or, le pain de Jacob ne signifiait rien vis-à-vis des droits de naissance que Esaü détenait. Mais Esaü, lui, a convoité la nourriture, le repas d'un seul jour. Il a troqué la chose la plus coûteuse à ce qui ne vaut rien. Et pourquoi il a fait ce mauvais troc? Manque de la révélation. Et ne croyez pas que ce droit de naissance, c'était donc une source de bénédiction pour lui. Et c'est ce qui se produit encore aujourd'hui. Et nous avions parlé. Qu'est-ce qui avait fait que Esaü puisse vendre cette chose la plus coûteuse? La convoitise. Et nous avons épinglé. Un chrétien doit toujours se contenter de ce que Dieu lui a donné. Ça peut arriver dans ta vie que vous manquez quelque chose que tu vois sur une autre personne. Ça ne vaut pas la peine d'envier cette chose. Si vous voyez que c'est une nécessité, faites connaître à Dieu vos besoins par les prières. Parce que la parole que vous avez, Branham l'identifie comme la fleur magique. Elle a la capacité de te produire tout ce que vous manquez dans votre vie. La Bible appelle la parole de Dieu, c'est le rocher. Quand vous n'avez pas quelque chose, parlez au rocher. Parlez à la parole. Par la foi. imani, la parole que vous avez neno la Mungu ile vous sortira les choses que vous avez besoin. Utakupatia ile bitu unahitaji. Ne négligez pas la parole. Ne négligez pas la voix. À cause d'une pénurie, d'une chose quelconque. Ça, c'est manque de la révélation. Même si vous manquez quelque chose, mais vous avez le pouvoir de cette chose. C'est comme William Branham. C'est comme un homme qui meurt de faim. Et que vous offrez un billet de $100. Vous voyez, c'est des personnes qui cherchent simplement la nourriture de quelques minutes pour remplir son estomac. Mais le billet que vous lui procurez, c'est un pouvoir d'avoir plusieurs repas. Et même s'il était fatigué par la famille, une fois reçu ce billet, et s'il connaît la valeur de ce billet, même moment même, parle tout. La faiblesse de la famille ne le quitte. Il est muchoko ya mjana itamtoka. Il a le pouvoir. Il a quelque chose qui est capable de lui faire acheter la nourriture. Et la parole de Dieu est comme elle est bien de bas. C'est notre pouvoir de tout ce que nous pouvons manquer dans ce monde. Nous avons déjà ces billets-là dans nos poches. Ou dans notre foi, c'est la parole de Dieu. C'est pour cela vous devez croire à la parole qui est en vous. L'apôtre Paul dit, c'est lui qui est en vous. C'est-à-dire la parole de Dieu. N'est plus simplement un livre que nous lisons ici. Mais c'est Dieu qui est dans ton cœur. Même si tu n'as pas une Bible avec toi, mais tu as Dieu dans ton cœur. Ou que vous pouvez oublier la Bible à la maison. Mais c'est Dieu qui est dans ton cœur. Ne peut pas sortir. Est-ce que vous comprenez quelque chose? C'est pour cela. La convoitise, c'est ce qui tue même l'église aujourd'hui. Pas même l'église, c'est même la convoitise qui est à la base de l'effondrement de ce monde. Et je voulais donner quelques exemples. Mais je voyais le Seigneur remplir ma judiciaire de bonnes choses. Alors je ne sais pas comment Dieu va nous conduire. Prenons cela et mangeons, ça va nous aider dans la foi. Nous avions dit ceci dans le livre de Josué chapitre 6, verset 18. Quand Israël devait conquérir Jéricho. La Bible dit que Jéricho était entouré par de grosses murailles. Mais Dieu dit, n'ayez pas peur des murailles de Jéricho. Je vais les clouer et vous allez entrer prendre possession de cette terre quand elle vous appartient. Mais Dieu leur redonne l'avertissement. Je prends simplement ce verset. Il dit, gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par l'interne. Car si vous prenez ce qui vous aurez dévoué par l'interne, vous mettiez le camp d'Israël en interne et vous y jetterez les troubles. Ça, c'était l'ainsi dit le Seigneur. Quand vous allez prendre Jéricho, si vous tous les hommes et femmes, tous les biens que vous allez trouver là-bas, brûlez-les brûler. Car Dieu a déjà maudit ces choses. Ne les touchez pas. Si vous les touchez, la malédiction qui repose sur ces biens-là va se reposer sur Israël. Et ça sera vous, Israël, qui périrez à leur place. Est-ce que vous avez écouté? Israël a dit amen. Joshua les a bien présenté la parole. Chapitre 7, verset 1er. La parole de Dieu a compris. Neno la Mungu ikatimika. L'ennemi de Jéricho tombe. Israël entre en possession. Israël akashika ile nchi. Alors la Bible dit quoi? Basi Biblia inasema verset 1er. Mstari ya kwanza. Les enfants d'Israël. Watoto wa Israeli. Commirent une infidélité. Walikosa kuwa na uaminifu. Infidélité vis-à-vis de qui? Ukosa uaminifu mbele ya nani? Vis-à-vis de quoi? Mbele ya nini? Vis-à-vis de Dieu? Mbele ya Mungu? Vis-à-vis de la parole que Dieu leur avait ordonné. Mbele ya neno la Mungu ile Mungu alibaigizia. De respecter. Ya kwamba heshimia. Israel ne l'a pas respecté. Israel hashikuheshimia hapana. Israel n'a pas respecté le contrat. Israel hashikuheshimia ile contrat. Et c'est le type de l'église aujourd'hui. Ni mupicha ya kanisa leo. Nous sommes pas fidèles à l'église locale. Mais nous sommes des fidèles à la parole de Dieu. Et notre fidélité, c'est de respecter la parole de Dieu où que vous alliez. Même si vous quittez Kamo, vous ne devez pas ignorer que vous n'êtes pas fidèles de l'église locale. Vous êtes fidèles de Jésus-Christ. Et vous devez respecter ce Jésus. Partout vous vous trouvez, dans les maisons, dans les hôpitaux, dans les marchés, dans les sociétés, dans les universités, partout chaque enfant de Dieu c'est vous. Vous se reconnaître lui-même que je suis fidèle de la parole. Et je dois respecter ce que Dieu me dit. Et Dieu, qu'est-ce que Dieu nous dit? Dieu nous dit des choses. Ce que nous ne devons pas faire, et ce que nous devons faire, et tout ce que Dieu nous interdit, c'est une malédiction. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par l'Éternel. Akan prit les choses dévouées par l'Éternel. Akabeba bitu bya kulaniwa. Et la Bible dit, la Bible nasema, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Et si vous lisez ça, Israël a connu des défaites terribles. Israël a rishindiwa sana. À cause de cette infidélité. Wa ajili ya ile kukosa uaminifu. À cause de cette désobéissance. Wa ajili ya ile kutokutii. Et après avoir recherché, mais pourquoi nous nous perdons comme ça? Na kisha kutafutisha, Dieu a nini tunakufa hivi? Pourquoi trop de troubles comme ça, des échecs? Qu'est-ce qui ne va pas? Nini est-ce que nous avons Dieu ou nous n'avons plus Dieu? Eti, tukuna Mungu au atuna naye. Mais au verset 19, ils ont découvert, verset 18, ils ont découvert que c'était Akan qui vivait mal. Comme toi, c'est sauté ce matin. Au verset 19, Joshua dit Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-nous ce que tu as fait et ne les cache point. Et cet homme-là, cet infidèle, cet incrédule, était aussi sincère. Et au verset 20, il dit quoi? Akan répondit à son pasteur Joshua. Akan akamjibu pastori wake Joshua. Il est vrai. Akamwambia ni bia kweli. Je péché contre l'Éternel. Nari mtendea zambi wa milele. Dieu d'Israël. Mungu wa Israeli. Comment tu as péché? Oh, j'ai péché. Oh, oui, mais comment? Voici ce que j'ai fait. Tazama ile nalifanya. Tu as fait quoi, sœur? Ulifanya nini, dada? J'ai vu les butins. Na miliona mapato. Un beau manteau de Chinea. Koti mzuri ya Chinea. $200,000. Et lengo d'or. Na lengo ya zahabu. De 50 kilos. Ya 50 kilos. Je les ai convoités. Biri bitamania. Et je les ai pris. Na, miri bibeba. Ils sont cachés dans la terre. Na, c'est-à-dire, au milieu de ma maison. Kati kati ya nyumba et l'argent, même la sac de l'argent. Je vais poser là-dessus. Yote biku paka pale yulu. Quelle sincérité. Uwaki kani uyu. Mais malgré cette sincérité. Ata vila rukwa na uwaki. Verset 24 dit. Musara makumbi na uyu. Alors Joshua tout Israël. Basi Joshua akambia na Israël musara. Avec lui. Pamoja na ye. Pri Akan. Baka mchugua Akan. Fils de Zerak. Mwana wa Zerak. L'argent. Feza. Les manteaux. Koti. Les lingots d'or. Le lingo ya zana. Les fils. Batoto. D'Akan. Bakan. Les filles d'Akan. Ba binti Akan. Sebe. Bangombe yake. Sesa. Bangamia yake. Sebrebi. Bakondolo. Sa maison. Na nyumba yake. Et tout ce qui lui appartenait. Yote bile bilikuwa byake. Il les fit remonter dans la vallée d'Akor. Bakabi tumpa mu bonde ya Akor. Et Joshua dit, na Joshua kasema, pourquoi nous a troublé? Jianini watufurusha. L'Éternel te troublera aujourd'hui. Wa milele na atakufurusha. Et tout Israël, na Israël mzima, les lapida. Bakaba pika maibu na kubaua. On les brira au feu. Bakaba choma moto. On les lapida. Na kubapika maibu. Avec tout ce qui lui appartient. Na biake biote na bake bote. Vous dormez? Munalala? Et dormez pas. Mushilale. Je vais vous montrer. Frère Branham vous dit c'est une malédiction, c'est une disgrâce. Quand on vous enseigne la parole de Dieu, et puis cette parole n'a pas fait même 30 minutes. Et pourtant, c'est pour cela que vous êtes venu. S'il fait chaud, il fait très chaud, nous sommes mal à l'aise. Maintenant, il fait froid, vous devez profiter. Vous commencez maintenant à changer. Quand vous achetez quoi, des couvertures, qu'on puisse vous couvrir. Non, frère. Nous sommes venus pour la parole. Alors, ouvrez ton oreille et écoutez. Puisque si vous ne suivez pas ces enseignements, vous risquerez de tomber dans les mêmes pièges. Parce que Et la Bible dit, la Bible nasema, ce que nous venons de lire, s'il n'a pas épargné Israël, s'il n'a pas épargné Akan, Akan, il ne t'épargnera pas non plus. Na wewe ivyo ivyo wezu kuepusha. Et quand vous venez dans l'église, wakati unakuja kanisa, c'est pour vous mettre en garde. Nijua ukukuka la musha. Puisque les diables ne dorment pas. Du shetani ye, alalake. Il est dans l'exercice. Il est le séducteur. Et il cherchera comment te séduire. La parole de Dieu que vous avez déjà écoutée ici n'est pas le respecter. C'est un crime devant Dieu. Si c'était pas l'ignorance, qu'on ne vous a pas encore enseigné, là ça serait compréhensible. Mais vous commettez les bêtises qui vous ont été déjà même enseignées, vous disant que c'est mal. Et pourquoi vous le faites? À cause de ton envie. Tu vois? Unaona, tu es un Esaü moderne. Wa tu es un Akane moderne. Akana wa kizungu. Esaou a rougi, Alali a besoin de quoi s'agir à ta main. A can accepter de faire quoi? D'affronter Dieu à cause de la convoitise. A can a richiki a piki ou na mungu jua ta main. C'est comme il s'est connu en phrase à Dieu que pourra. Pas qu'à ville tu n'as semaka, mungu yé mounia a connu. Ce qui va arriver, ça arrive, mais moi, les anciens, c'est que je puisse quand même faire quelque chose pour laisser à ma famille. Oui, c'est bien, laisser l'héritage à ta famille, mais quel héritage? Va-t-il laisser à tes enfants? L'héritage de vol, de la malédiction. Et regardez maintenant les résidents. Akana volé l'argent. Akana arrive à Feza. Il a amené à la maison. Alors, il est à Madame, regardez. Madame, chéritier, il s'est fait un toit. Vous n'êtes pas à eh, funga kinyo. Mais Dieu, mais. C'est moi, le mari, tu dois me regarder. Amenez la paix. Ils ont creusé pour cacher. Vous pensez que quand tu as fait ton péché, tu as bien arrangé. Tu as bien camouflé. Au ciel aussi, tu as camouflé. Mungu na kwa unafuchama mbele ya Mungu. Tu peux cacher ton péché à ta famille. Tu peux le cacher au pasteur. Tu peux le cacher aux frères et sœurs. Tu peux le cacher au monde. Mais il y a un aussi. Lakini kuku mmoja kwa Mungu. Tu ne peux pas cacher tes mal. Hawezi kuficha vibaya vya péché. Hawezi kuficha dhambi ya Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. Car lui sonde le cœur. Yeye anachunguza moyo na kifua. Et toutes nos œuvres sont à découvert. Iko wazi mbele yake. Le Saint-Esprit, Rome Takatif, on ne le cache pas. Puisqu'il te connaît plus que toi-même. Puisque c'est lui qui t'a créé. C'est la vérité. Nikweli. Arrêtez d'afficher l'hypocrisie des gens. Ça c'est chercher à te suicider. Ni kutafuta kujiua kule unatafuta. Dis qu'est-ce que tu as vu? J'ai convoité. Miritamani. Ça va? Mzuri. Comme toi. Ça vit le way. Tu as violé la parole. Pour nous entraîner dans la malédiction. Et nous avons les innocents sont morts. À cause de ton fort. Toi. Dieu aussi va te remettre ce que tu as vu. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? On ne se manque pas de Dieu. Ce que tu sais, il est moissonnera. C'est la vérité. Nikweli. Et dans Jérémie, chapitre 18, sura 10, verset 1, verset 2, verset 3, verset 4, j'ai dit à la maison d'Israël, ainsi dit l'Éternel, ce proverbe ne se répétera plus en Israël. Que les parents ont mangé de raisins verts. Et les dents des enfants étaient agacés. J'ai dit, ça ne se dira plus. Mungu anasema itasemewa tena Mwisraeli. L'âme qui pêche, nafsi yenye kutenda dhambi, ndio ile takufa. L'innocent ne portera pas la culpabilité du péché. Mutu asipokosa astabeba zambi ya ule wakosa hapana. Et le péché c'est l'incrédulité. Na zambi ni kutokuamini. L'incrédulité c'est la désobéissance. Kutokuamini ni kutokuti. L'incrédulité c'est l'infidélité. Kutokuti ni kukosa uaminifu. Vous commettez les mots que vous commettez. Mais le matin dans la tête. C'est parce que vous ne croyez pas. Njue awamini njo pale unatenda bila vibaya. C'est pour cela vous vivez mal. Kwa maana uko naishi mbaya. Si croyez, il respecterait la parole de Unge Dieu. Shimia, neno la Mungu. Et nous avons beaucoup d'acanes. Na tukuna bakane ba mingi. Mais soit déjà des frères des ennemis. Bale banajita banduku na badada ba mujumbe. Mais alakini, des voleurs. Bezi. Vous voyez là où le corps, la convoitise l'a conduit. Unaona kule tamaa ilimpeleka. La suite c'était quoi? Mwisho ni nini? Lapidation. Kumupika na maibu anakufa. Lui, ses enfants qui ne savaient rien. Matoto yake wale abakwata nakosa. Dieu catégorie que pour le jugement du péché. Mungu eko na ukali pa kwa kuhukumu zambi. Et je peux voir la sœur Akane qui a laité un bébé innocent. Dada Akane alikuwa ananyonyesha mtoto wasipokosa. Mais maman pouvait dire, mais cet enfant ne connaît rien. Mama wana hawezi kusema mtoto ana zambi. Mais monsieur ne connaît rien. Le péché est en train d'aller à la maison. Lui aussi doit payer puisqu'il porte le sang. Na mtoto atalipa juu kuna damu ya mwizi ya mtu mtombozi. Tiwele pour que ce sang-là ne reste plus en Israël. Ah, mumba uwe juu ile damu shibakete na Israël. Ils ont tué la sœur Akan. Bariwa dada Akan. Les enfants dans les filles d'Akan. Batoto na les fils d'Akan. Même ils sont allés dans l'élevage. Barienda tam bifuko. Les animaux qui ne connaissaient rien de l'Éternel, on vient les prendre par les diables. Ils pouvaient même nous amener. Nous montons à la montagne. Pour faire quoi? Nous montons avec votre maître. On ne les a pas venus à l'abattoir. Pourquoi? Leur propriété. Chef Yabo. A violé la parole de Dieu. Neno la Mungu. Église de Dieu. Kanisa ya Mungu. Vous avez Dieu. Muku na Mungu. Vous avez la parole. Muku na neno la vous Mungu. Avez écrit. Muku na vous avez bien fait. Mais faites attention pendant ce temps d'état qui nous reste. Alakini musopoke mu wakati au retour de Jésus-Christ. Kwa Yesu Kristo. Vous pouvez mourir ne verront pas les cieux. Batakufa abataona mbingu. À cause de quoi? La convoitise des choses de ce monde. Ajili ya tamaa ya vitu ya dunia. Et roi chapitre 21. Après ces choses, verset 1er, voici ce qui arriva. Naboth d'Israël avait une fille à côté du palais royal, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab est parlé ainsi à Naboth. C'est de moi ta fille n'est pour que j'en fasse un jardin potager. Unipatie mashamba yako ikoe nani mashamba yangu ya verset 3. Naboth répondit à Akab, qu'elle était, ne me garde de donner l'héritage de mon père. Siwezi kamwe kuleta urithi ya bazazi yangu. Akab donc Naboth. Naboth avait l'héritage que le père avait légué. Il avait le droit d'aîné. Mais Akab a convoité cela. Il dit nous faisons l'échange. Moi je vais te donner l'argent. Mais libérez-moi la terre. Akab a dit jamais. Puisque selon la loi, l'héritage, on ne l'a vend pas. Quelque soit les avantages que vous me proposez, je préférerais garder l'héritage. Si toi tu veux me donner de l'argent, c'est que l'héritage est plus important que ton argent. Et l'héritage de Naboth, c'est le message de l'air. Ne vendez pas ces messages à cause des billets de dollars. Ne vendez pas ton âme. Ne vendez pas ta foi. À cause des avantages que le diable peut vous proposer dans cette vie. Gloire au Seigneur. Que Dieu nous donne des sœurs et des frères dans cette église. Des hommes et des femmes qui connaissent la valeur de la parole de Dieu et qui ne la vendront jamais. Et Akab était dessus. Il a trouvé le croyant. Voilà les gens que Dieu cherche dans ce message. Ne changez pas le message. Ne changez pas ton sexe. Ne changez pas ta foi. Parce que le monde peut vous donner comme des opportunités. Ce que vous avez vaut plus que ce que le monde veut t'offrir. Garde ta virginité. C'est un signe de l'obéissance de la parole de Dieu dans ta vie. Ni alama ya utifu ya neno la Mungu maisha yako. Ça va? Muzuri. Je vais te montrer. Takonesha. Il est allé dormir sans rien manger, bilakula, sous la tristesse. Vous voyez ce que la convoitise fait dans une personne. Quelque chose qui ne t'appartient pas. Mais il est entré avec des douleurs. Kulala na uchungu na uzuni. La convoitise tama peut même te faire échapper du sommeil. Tu as vu simplement une belle femme qui ne t'appartient pas, mais tu es complètement bouleversé. Pourquoi? Quel est ce genre de chrétien que vous êtes? Peut-être que comme tu es devenu chrétien, tu ne peux plus voir quelque chose qui peut plaire à ton cœur. Voir des bonnes choses, c'est naturel. Ce n'est pas grave. Même si tu vois une bonne femme, tu vois des bonnes choses. Ce n'est pas grave. Regardez-les simplement. Et toi, c'est bon, mais dans ton cœur, ne les habillez pas. Puisque ça ne t'appartient pas. C'est là où l'Église ne comprend pas sa position. Je parle kanisa iwe musimamo yake. Tenez ferme dans la parole. Musimame imara muneno la Mungu. Et Jezabel a constaté que chérie, depuis qu'on a mis la nourriture, tu n'as pas mangé. Je n'étais pas vu à la douche. Tu n'es pas venu me toucher comme tu fais d'habitude. Qu'est-ce qui ne va pas? Laissez-moi. Je suis vraiment très triste. Oui. Quand j'ai marché là, j'ai vu donc à côté de nous un sol bien fertile. Alors je voulais faire un jardin là. Mon père dit, mais c'est pour les petits, les pauvres gens, Nabot. J'ai envoyé les gens pour la payer, pour acheter ça. Mais ma vie, je suis roi. Nabot m'a rejeté complètement. Nabot m'a humilié. Humilié toujours le diable. Ne laissez pas faire plaisir à Satan. Ushi mufuraishe shetani. Quel que soit ce chantage. Ataka maiko na mafaida gani. Même si vous attaquerez. Ataka mana ukombanisha. Dieu aussi elle vous défendra. Mungu atakumbingwa atakukombania. N'ayez pas peur de Satan. Ushi mungope shetani. Qu'il soit ton chef ou qui que ce soit. Garde la parole. We chunga paka neno la Mungu. Et comme il a vu une femme païenne, moi je vais te redonner. Et en réalité, la véritable, le véritable chef de l'Israël, c'était Jézabel. Ah, chef ou Akweli, Akwen Jézabel. Puisque Akab ne savait pas de plan politique. Ah, mais Jézabel en avait plein. Jézabel, Akwen, il est map ou Yassia Sayami. Écoutez-moi bien. Je dis toujours ceci aux gens. Nous, on reconnaît les enfants de Dieu. C'est le jour où le mal va te visiter. Beaucoup de gens sont assis ici comme des bonnes personnes. C'est bien. Ni mais nous vous les découvrirons. Les jours où un mauvais programme viendra pour détruire l'œuvre de Dieu. Puisqu'il y a certaines personnes, quand vous leur donnez un bon conseil, ils n'écoutent pas. Mais quand vous leur présentez un mauvais programme, ils ne se disent pas, voilà, c'est ce qui manque. La profondeur appelle toujours la profondeur. Le mal Bubaya est toujours pratiqué dans un cœur mauvais. Les enfants de Dieu, quand vous leur proposez quelque chose d'immense, complètement, ils disent non, moi je ne suis pas dans ces choses. Vous voyez, il y en a-t-il de la foi de Dieu? Mais la foi de Satan, quand vous lui proposez un mauvais programme, il y a un combat. Est-ce que ça va réussir? Ça va réussir. Ça va, on va faire. Tu es de la mauvaise sémence. Comment le mal peut t'avoir facilement conscience? Un homme qui vient te proposer de coucher avec toi. Mwana umelu anakuwa gulomba. Et toi, si tu es maintenant, va faire comment? Et il te donne, je viendrai. Ah, tu es une mauvaise sémence. Ukumbeko mbaya weye. si tu étais de Dieu, kama tu allais rejeter cette corde kabisa na ukatala. C'est comme un enfant de Dieu. Même mou. Si il n'a pas étudié, la fausseté n'entrera pas dans son âme. Abiezi kuingia munafsi yake. Restez dans la parole. Mubaki ndani ya neno. Isabelle a dit, Isabelle a kamwambia, on va faire un programme. Tutafanya mapu. Je vais chercher des kulouni. Mitatafuta bakulouni na bawili. Tutatangaza. Ma et na bote sera devant. Na bote na atakuwa. Alors les deux là vont venir. Bale bawili watakuya. Déposer la plainte. Kumustaki na bote. Kumustaki na bote. Il n'a pas respecté. Ya kwamba shikoheshimi. Je qu'on avait publié. Il est alors selon la loi. Des personnes. Watu wana mrahi. On doit les blapper. Tunapaswa baupika maibo kufa. Ah chérie, en tout cas c'était bon programme. Et ils ont fait le programme. On a envoyé les voyous. Ils ont déposé une mauvaise plainte contre nous. Et ils ont pris des pieds. Et ils ont tué. Sans pitié. Nabote. L'héritier l'innocent. Et le communiqué passé à la radio. Nabote a été éliminé. Nabote bari muua. Et y'a que Jezabel est dit maintenant à Kab. Verset 18. Laisse-toi. Descends au devant d'Akab. Wendembele Akab. Non, attendez un peu. Verset 26. Akab entendit que Nabote était mort. Se leva pour descendre à la fin de Naboth afin d'en prendre possession. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots: lève-toi, descends devant Akab, roi d'Israël à Sama. Mais voilà dans la vigne de Naboth où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras et si parle l'Éternel, n'est-il pas un assassin? Oui, ou un voleur? Namouisi. Le roi qui a toutes choses. Mais il est arrivé jusqu'à devenir un voleur. Qu'est-ce qui a mené le roi à devenir voleur? La convoitise. Qu'est-ce qui a mené le roi à devenir un assassin? La convoitise. Vous devez vous surveiller vous-même. La vie peut vous amener plus loin. Jusqu'à l'enfer. Et beaucoup de choses que certains gens possèdent dans ce monde sont les biens de vol. Dieu l'a béni. Dieu l'a. Qui vous a dit que Dieu l'a béni? Non, non, non, non, non, non, non, c'est un voleur. Il et Akab était un enfant d'Israël. Akab a reconnu toi Israël. Et dans l'église aussi. Mukanisa nous namo. Avons des frères et des sœurs de voleurs. Nous avons tous nos dates bénies. Et qu'est-ce qui amène l'homme à devenir voleur? La convoitise est des biens de son prochain. Tama ya bitu bia jirani. Et vous ne pouvez pas garder la parole et être un voleur. Et William Branham vous dit, vous volez, vous assassinez, vous empoisonnez les gens parce que vous êtes des incrédules. Comme vous ne croyez pas, alors les œuvres de l'incrédulité, c'est la convoitise, les vols et les assassinats. Un chrétien ne tue personne. Un chrétien n'empoisonne personne. Pour prendre son poste, nous allons l'éliminer. Pour que moi je prenne son poste. Un assassin. Malgré tu portes des vestes, mais sache-le bien, l'homme récoltera ce qu'il sert. Et Dieu ne laissera pas ton péché impie. Et si tu le Seigneur, là où les champs, les chiens, ont léché les sangs de Naboth, les chiens aussi laisseront les sangs de Akab. D'accord. C'est le même endroit. Et ainsi dit le Seigneur, il était accompli. Ce que Dieu dit ne jouera jamais. Ça s'accomplira. Si vous voulez vous préserver, évitez de vous emballer dans la convoitise. Ushingi, ushibebwe na tamaa. La convoitise est une vilaine chose. Tamani kitu kibaya sana. Ça ne regarde pas la stature d'un homme. Akiangalia yake kimo ya mtu, cheo ya mtu, hapana. C'est pour cela. Nous qui sommes de Dieu. Sisi benyo kwa Mungu. La Biblia inatuambia. Aucun voleur. Hakuna mwizi hata mmoja. Wala muuaji. Na depare dans le royaume. Achezi kamwe kuingia mfano wa Mungu. Kama unapenda kwenda kwa Mungu. Evitez de convoiter. Uepuke kutamania. Je ne sais pas dans votre église pourquoi Dieu me retient dans ça. Misi yue mkanisa yenu jua nini Mungu anashika pa hii mambo. C'est qu'il y a un problème. Manake mku mambo. Voleur. Mwizi. Toi ton problème. Ouais. Tu vois le même l'argent de ton mari et mambo, tu les caches. Mambo yako. Kudaiba ta feza bwana yako. Oh, c'est l'argent de mon propre mari. Oh, ni makuta bwana yako. Voleur. Uku mwizi wa mwanamke. Incrédule. Wakutokuamini. Si tu ne te réponds pas, kama utubu, à ton mari, kwa bwana yako, et que vous êtes demandé au pasteur na, de prier de chasser ces démons, pastor, tu peux kufukuza ule demona, utalipa siku ingine. Voleuse avec des pannes, des pannes avec des longues vies. Mwizi na mabikwembe mirefu na mjipe mirefu, mwizi. Et la Israël, na Israël, un voleur, mwizi, c'est un destructeur. Ni mwaribifu. Vous volez à quelqu'un, c'est pour détruire cette personne. Si la belle est chérie, mais tu voles son âge. Si une personne ici, oh chérie, raisonnez un peu, peut-être tu y as oublié. Mais tu sais mieux que toi, tu y as diminué. Donc tu n'es pas là pour aider le frère. Tu es là, c'est pour ruiner la famille. Et tout cela, l'esprit de ta famille est en train de te poursuivre. Les liens héréditaires. Kamba ya comme ta mère était une volée. Mama kwa kumwizi. Na kumwizi. Repends-toi ce matin. Cherche la réconciliation. Sinon tu vas aller en enfer. Le ciel que vous entendez ici, vous allez regarder comme un avion qui part. Tout le monde est embarqué, toi tu es resté. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Ne vous fâchez pas contre moi. Mais je suis en train de vous laver, de vous préserver. Si vous êtes dans ces sales situations, venez vous nettoyer dans les salles de l'agneau. Et si vous n'êtes pas encore pris dans ces pièces, prenez garde. Quand le diable viendra, résistez-lui pas, il est écrit. 2 Pierre chapitre 2, verset 15. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Peor, qui aima les salaires de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression par une ânesse miette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence et la folie du prophète. On n'a pas le temps de voir ça dans l'Ancien Testament, c'est une longue histoire. Mais je vous donne ça, je vous flash ça pour vous rafraîchir la mémoire. Qu'est-ce qui a amené Balaam? Qui était censé être dans la bonne voie? De quitter la bonne voie, de quitter la scène de doctrine et entrer dans la fausse doctrine. La convoitise. Tamam. La convoitise. Tamam. Qui ou même nous les prédicateurs. Ça n'est pas des personnes. Aye, pushe mutu. Si vous voulez aller au ciel, veillez sur toi-même. Ukeshe yulu yako we mwenyewe. C'est pourquoi l'apôtre Paul ordonnait que chacun s'examine soi-même. Kwa maana mtume Paulo aragizia kila mmoja alichunguze mwenyewe. Balaam, viens nous maudire. Tu, Israël. Utulanie Israël. Oh Balaam, Balaam n'était pas un enfant de Moab. Asikwe mtoto wa Moabu. Mais alakini, un roi étranger viens nous maudire ton frère. Anakuita kwa nous avons bien programme. Tunesha kutengeneza mzuri. Le tapis rouge, le salaire, na mushara, les honneurs militaires, heshima ya kijeshi. Na fanfare wa kimbanguise batakulia. Le drapeau sera mis en berne dans ton armée. Bataishusha pale utafika. L'armée vous recevra avec les honneurs et tout possible. Mais Dieu, nous croyons que tu es un serviteur de Dieu. Tu as l'onction de Dieu. Viens maudire Israël. Mais Dieu entre en scène. Il nous dit quoi? Balaam ne va pas s'éteindre. Sois loin de ces choses. C'est un peuple, c'est mon père. C'est ton sort et frère. Je les ai bénis. Balaam se réveille le matin. Il dit rentrer. Il y a votre roi. Je ne viendrai pas. On m'a interdit. C'est un peuple que Dieu a déjà béni depuis longtemps. Il sort rentrer. On a envoyé un corps de généraux. Allez dire à Balaam que personne ne le retienne. Il ne sait pas de grandes bonnes surprises que nous lui avons réservées. Il n'a jamais eu autant d'argent que notre gouvernement préparé pour lui. Balaam est vieux. Balaam est vieux. Balaam a regardé les miasses. Attendez-moi encore. Je vais demander au Seigneur. Quand Dieu vous a parlé une fois, ça suffit. Il ne faut pas jouer avec Dieu. Au Seigneur, parle-moi. Toi, tu ne prends pas maintenant. Incrédit. Et les anges viennent. Dit qu'ils partent. Et quand il y part, il y monte sur l'âne. L'âne refuse de partir. Un combat terrible avec sa jupe. Il démarre, regarde. La bougie, on change la bougie. L'injecteur, on change l'injecteur. On n'est pas de défaut, on n'est pas de défaut. Les primaires, il y a une question. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette jupe? Dieu est en train de refuser ce voyage. Il y a une safari. Mais comme il avait la convoitise, la vie, il a pris le bâton. Il a pris le bâton. C'est voiture de voiture. Je veux me dire, si j'avais la lumière, j'allais briller. Comprenez la volonté de Dieu. Et un animal Nanyama ouvre la bouche comme il le fait en Kafungula kinywa paka vile kona ifaya asubuhi. Balaam. Je t'ai fait quoi? Mina kufanya nini juu nipike? Pour que tu me fasses souffrir de la sorte. Juu nitese mwile muna. Allez, ikana kimya. Rends gloire au Seigneur puisque je n'ai pas une épée sinon je t'aurais déjà décapité. Umushukuru Mungu juu mishina na mpanga ipashi ukata shingo. C'est comme cela que vous nous détestez à cause de la vérité. Juu vile Mungu natuchukia juu. Mais oh notre rôle, nous jouons la fonction de la nes. Notre mission, c'est de vous préserver de la colère de Dieu. Mikinga kuatari kukasirani ya Mungu. Notre rôle de vous empêcher, puisque la voie que tu prends là, c'est la voie qui mène à la perdition. C'est Dada. La voie des concubinats. C'est un chemin qui t'amène à la mort. Et la prédication de ce matin est là pour t'empêcher. Pour que tu n'aies pas mourir. Mais comme tu as des intérêts. Vous voyez, l'histoire se répète. Arisi na rudia tena. Mais Balaam a forcé. Et il est parti. Et en partant, l'apôtre Pierre dit, il avait quitté le bon chemin. C'est-à-dire, tu ne peux pas pécher en restant dans la parole. Pour pécher, il faut sortir de la parole. Si vous êtes dans les messages, vous garderez la parole. Mais si vous commettez les bêtises, tu n'es plus dans les messages. Tu es une étiquette dans l'église. Et qu'est-ce qu'il poursuivait? Le salaire. L'argent. Et c'est ce qui a tué ces messages. Beaucoup de fausses doctrines sont entrées à cause des financiers. Et on a acheté des vrais prédicateurs à prêcher les maçons. Parce qu'ils vous prêchent, vous ne les prenez pas en charge. C'est votre responsabilité. Vous êtes là, c'est pour soutenir les hommes que Dieu vous a donnés. C'est votre responsabilité. Mais vous, l'égoïsme, la saine doctrine, c'est ce qui bat le record. Vous écoutez la vraie parole, mais vous n'avez pas la révélation et le courage de soutenir cette vraie parole. Vous pensez que c'est Dieu du ciel qui doit venir nourrir vos anciens et vos serviteurs. Alors tu es là dans l'église pour faire quoi? Que Dieu nous fasse grâce. Mungu atufanshie neema. Balaam est parti. Balaam arienda. Il a quitté les droits chemins. Alitoka munjia kunyoloka. À cause des intérêts. Kwa ajili ya fedha ya mafaida. Et dans le livre d'Apocalypse chapitre 2 verset 14. La Bible dit mais je quelque chose est contre toi. C'est que là ni kuna kitu kile mimi nakumaanisha. Si attaché à la doctrine de Balaam. Manake ya kwamba unapatana na mafundisho ya Balaam. Qui a enseigné à Balak. Yule alikuwa anamfundisha Balak. Amen. Ni pierre d'achoppement. Aweke kikwazo. Devant les fils d'Israël. Mbele ya watoto wa Israeli. Alors Balaam est allé par la rive. Balaam alienda na bujanja. C'est lui qui va les donner, vous savez. Dieu kumfunza Jean akampatia. Dans la parole. Unaona watu vile wako mbele za Mungu. Il faut le faire sortir de la parole. Inapaswa watoshe mneno la Mungu. Comment? Namna kani? Nombre 25 verset 1er. Et Israël a été invité dans une fête qui était une piège. Avec des jeunes filles là, des poitrines exposées, avec des cuisses découvertes, avec les postérieurs là, on a mis de l'air, on les a gonflés. Avec des hauts talons, c'était pour celui des enfants d'Israël. Qui a mené ce système? Qui a mené cette doctrine de la séduction? Des prophètes Balaam. Et les enfants de Dieu ont contemplé ces filles-là, sont tombés amoureux et ils se sont livrés à l'impudicité. La Bible dit au verset 9. Il y dit 24 000 qui mourirent de la plaie. 24 000 enfants d'Israël. 24 000 en un seul jour. Mourirent. À cause de Balaam ou des sorciers de Balaam, c'était de recevoir de l'argent. L'amour de l'argent. La racine de tous les maux. Donc il y a certaines personnes pour c'est l'argent. S'il s'agit de tuer même le monde entier, il est capable de le faire. Moi je ne joue pas avec de l'argent. L'argent c'est la vie, hein? Oh, nous la vie c'est Jésus-Christ. L'argent finira, mais Jésus ne finit pas. Fais ça, il t'a malisika, là, qui n'y est, soit, si mon argent finit, Jésus me ressortira. D'autres ressources. Et à cause des faux prédicateurs achetés par des financiers, combien des âmes qui sont morts aujourd'hui dans les âmes. Tous nos frères là qui sont dans les fausses doctrines. Aujourd'hui même, les gens sont entrés dans les mouvements de Joseph Branham. À cause de simplement des salaires et des appareils de carte mémoire. Frères, gardez la parole. La parole que Dieu nous a donnée, et puisque tout est bien matériel. Est-ce que ma sœur, vous me comprenez? Que Dieu vous bénisse. J'essaie un peu de rattraper le temps. C'est ça même la raison qui a mené Ève et Adam de nous amener la mort. Réfléchissez. Vous fikiri. Vous voyez que tout est la Bible. Non, si Dieu vous ouvre les yeux, vous pouvez simplement prendre une petite chose et le relier par tout est la Bible et pouvoir éclairer. Adam et Eve avaient leur droit de naissance. Mais cette fois, ce n'était pas cause de bien matériel, mais sexe. Il kwani kwa ajili ya mapenzi ya mwili. Cause de plaisir sexuel. Kwa ajili ya nasa ya mwili ambao. Eve accepté. Eve alitikia. De perdre la vie éternelle. Ne fût-ce que pour ressentir les sensations de quelques minutes. Tu as kusikia tu ile furaha ya dakika kidogo. Et à cause de ça. Kwa ajili ya ile. La mort. Lufu. La souffrance. Mateso. D'ailleurs, Dieu dit. Mungu anasema. Toi-même. Wewe mwenyewe. Avec douleur, na maumivu, de grossesse. Mama mimba kutokana na maumivu. Na wewe. Comme tu écoutes la voix de ta femme. Usikie sauti ya mke wako. Regarde. Tazama, utakula kwa chaso. Il te sortira des épines. Bulongo butakutoshia michongo mabiba. La vie pour toi. Manake maisha kwako. Ça sera la misère. Itakuwa ni mateso. Et pour gagner la vie. Bawe kupata maisha. Il faut la pashi paka utoshe jaso. D'où cela est venu? Ilitokea wapi? La sexualité. Bundu busharati. Illégal. Wasipo kwa bandoa. Amen les malédictions. Mungu naleta lana. Mauvaise utilisation des sexes nous a mené la mort, nous a mené la souffrance, nous a mené les maladies, a mené même la sécheresse que vous voyez. L'homme est devenu comme un rat en train de creuser, de creuser, de creuser. Qu'est-ce que vous cherchez là? Savo, oh, vous avez trouvé une mine. Pourquoi ça? À cause simplement des désirs sexuels. C'est pour cela. Réglez bien vos sentiments. Ne vendez pas les droits d'aînés. À cause d'un plaisir de 5 minutes. Est-ce que vous me comprenez? La convoitise a amené la mort. Je n'ai pas le temps de rester là beaucoup. Sinana wakati ya ugawia pale. Regardez même dans le livre. Tazame data mkitabu. 2 Samuel chapitre 11. Ya Samueli wa pili sura 11. Ça c'est cette fois. Ini c'était un roi. Huyu sasa alikuwa ni mfalme. Le roi David. Mfalme Daudi. Était en train de se réjouir. Avec ses 500 femmes, avec le royaume. Mais quand il est en train de prendre l'air, voilà une femme, une soeur qui était en train de zébéir. Allez, voyons. À la place de échapper son regard, il est resté en train de vivre et de partir de son corps. Oh frère, toutes les femmes sont pareilles. Dieu n'a pas créé des femmes. Il y a qu'une femme et il y a qu'un homme. Quelles que soient les formes et les couleurs, tout ce que vous pouvez représenter, elle est toujours pareille. Et David demande à une jolie femme, on connaît dans ce quartier, c'est la femme de ton serviteur. Le petit a une jolie femme. Le petit qu'on a mis en tout cas, vraiment elle a vraiment eu la chance d'avoir une canon. Allez me chercher cette femme. Son mari est déjà au champ de travail. Voilà, allez m'appeler cette femme. C'est roi ta père. Dada, une fille de Dieu. Même si ton pasteur t'appelle pour faire avec toi des histoires. Injuste. Dis à ton pasteur que mon bien-aimé tu es dans la mauvaise voie. Où est-ce que être pasteur, être prédicateur, ne signifie pas que celui qui est en Dieu. Le pasteur et le prédicateur, ce sont pastori, des frères. Quand ils viennent avec des mauvais présages, dis-lui que ça, ce n'est pas correct. Tu es une chrétienne, une croyante. Reste fidèle à la parole. Ce n'est pas ton pasteur qui t'amènera aux yeux. Pour s'amuser avec toi. kucheza cheza na wewe. Eko na bibi yake. Kama anahitaji apeke safari. Ende kwa bibi yake. Et nous avons aujourd'hui des prédicateurs qui détruisent les femmes et les autres. À cause de quoi? La convoitise. Comme ta femme a un test sombre, sa ville si elle a une autre la brime, sinon moi, c'est ce que j'aimais, je ne l'avais pas vu. Si je l'aurais vu, c'est ça que tu n'as que des jeunes. Bande des envieux. Tu es corrompu. Contente-toi de ta femme. Impudique. Wewe muzinifu adultère que tu musharati wewe mtu mchafu. Oui, c'est la vérité. Hiyo ni kweli. Si tu commets les moyens zaidi vile kwa kuna nani tu couches même avec les païens unalala tena na pagano tu simplement de regarder tu la prends tu vois à la maison comme un homme sérieux aventurier unyumba sa mtu wa kabai wa heshima wewe mtu wa ovyo hypocrite munafuki. Et qu'est-ce qui s'était arrivé? Nini Nirifika. Il a appris. Akabeba bibu abenyewe. Batsheba. Batsheba. Quand il faisait là, wakata kwa c'était au temps de la fécondation. Wakati ya kupata mimba. La grossesse. Na mimba nayo ikaingia. Vous voyez là où le diable peut amener. Naona kule shetani anaweza kusukuma. Après quelques mois. Kisha tu ma miezi. Je ne vois plus mes rêves. Mufano mimi napata mimba. Toi aussi. Wewe na wewe. Allez faire les tests. Wendo kapibishi. J'étais là dans le non moi j'ai mais c'est véritable. Wendo. Vérifiez pour cette femme. Akaita banganga. Mupime mbele mwanamke. Ni bia kweli na mimi. Qu'est-ce que je dois faire encore? Tafanya nini sasa pa? Son mari est où? Bwana kwa. Il est dans les champs missionnaires. Eko mukazi. Mumurudishe, mumuite. Le roi vient. Depuis quand le roi embrasse ses gars, c'était pour cacher un péché. Il est au pôle, il croit que tu as foutu qu'à Zambie. Tu as beaucoup combattu. Ah, on a piqué en vite à ça. Aujourd'hui, tu ne vas pas rentrer au château. D'ailleurs, si mon bureau, on y fait un bureau. Il va là-bas. On a fungu la palais. Ça, c'est ton enveloppe. Il est enveloppé. On va te laver. Wendo kanawe. Wendo kumushike kwako. Comme ça, c'est ma prédemain. On va te prendre. Jo va te déposer au fond. Oh, il avait affaire avec un croyant. Japo, ule arkwa ni mwa minifu. Je sais confondre des mauvais quartiers. Mungu anawezi kufurudisha mama wazo yako ya pongo. Mais ne peut pas être plus intelligent que Dieu. La Bible dit que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Toi, tu penses que je vais faire ça pour m'assortir. Mais Dieu va te confondre. Quand Dieu méprise, c'est lui qui méprise sa parole. Continue. Tu vas être déshonoré de tout le monde. Tu vas être déshonoré. Croyait qu'il était parti. On m'a appris que tu n'as pas Tout ça, c'est une gentillesse et un péché. Ne faites pas attention aux flatteries. Tu es joli, tu es intelligent. Vous enseignez bien. N'écoutez pas ça. C'est ça des séducteurs. Gardez la position de dignité. Amen. On ne te joue pas avec toi. Ça pas se fait comme si tu tapais là en fait. On a pité la coupique à ton nom. Ah, on y a cherché. On m'a fait courage. Même doit de toucher même ta main. La salutation c'est simplement la porte. Si la main commence à aller ici, sois-toi, même la poussière, que la chose devienne grave. Et comment quoi? L'harcèlement sexuel. Vous avez peur de quoi? Parce que vous-même, vous aimez qu'on vous fasse ces choses. Les impudiques. Et vous voulez aller au ciel avec des mauvais sentiments. Race du serpent. Le fruit de Dieu donne la parole. La parole, c'est notre droit de naître. Amen. Je vais me finir avec toi. Finis avec moi. Mais avec Dieu. Qui ne finira. Toi, ça cachait déjà les péchés. Mais ça Zambi. Ne se cachera jamais. Zambi, ça sera connu. Bataillua. Écris une lettre. Mets un enveloppe. Bon. Ce n'est pas grave, remettez-moi. Retournez à la guerre. Ton argent t'attaille. Donnez au général de l'opération la lettre. Mettez-moi à la première place. Uri. Si Mère était là-bas, toi aussi je t'ai fait monter la grâce. La politique dans l'église. Si tu as ton frère un piège, pour que les gens le prennent comme une mauvaise personne, toi tu sois une bonne personne. Mais Dieu te confondra. Politicien. Un enfant de Dieu ne cherche pas le mal d'une personne. Et que vous me saisissez, que Dieu vous bénisse. Je suis doux avec vous pour vous faire comprendre. Mais si l'air était mis, j'arrête de me faire. Et que ceci reste. Puisqu'il y a trop de déviations dans ce message. Nabot. Nabot. Mère. Uri anakufa. Roi, il est mort. Mufalme. Uri anakufa. Les garçons là, les métiers, les prières, les nuits. Maintenant, c'est terminé. Ce n'est pas terminé. Même si tu as avorté, laissez bien que tu as déshonoré ta virginité, tu as eu la grossesse, tu as l'été de grossesse, tu as fait des avortements. Le ciel a ton dossier dans son tiroir. À moins que tu te répandes avec la prostituée, que vous êtes des adresses. Un vieux là est missionnaire. Pardon? Un vieux missionnaire. C'était le prophète Nathan. Dieu a toujours des envoyés. Pour dire au pécheur et la vérité. Et si je suis là, c'est pour vous proclamer la vérité. On ne se connaît pas. Si c'était quelqu'un d'ici, tu allais dire qu'on l'a déjà raconté mon histoire. Mais toi et moi, on ne sait jamais. Qui m'a raconté ta vie? Mais le ciel est main forte. C'est pourquoi je te parle. Puisque tu es dans la voie de la perdition. Balaam est fils de Péor. Sors. Toka. Roi, j'ai quelque chose que je vais te dire pour que toi tu juges. Parle l'homme de Dieu. Et l'homme avait 500 brebis. Mais à côté de lui, quelqu'un avait commencé l'élevage avec un seul mouton. Mais celui qui avait un troupeau de 500 a reçu Mukeni. Et il a dit non, mais tu sors tellement grâce. Celui qui vient de commencer, son âne, c'est un âne. A même pas la grossesse, il est allé la nuit. Bonjour voisin, j'ai reçu un vieux quelqu'un. Donne-moi ton petit là. Je le prépare. Pour moi le visiteur, quand les miens vont mettre très bas, je t'ai donné deux. L'homme lui dit, tu dis quoi? Tu ne peux pas le faire. Toi, tu as 500. Tu veux ce que tu peux tuer pour ton invité. Il dit, je vais te montrer de quoi je suis capable. Que j'ai beaucoup d'argent plus que toi. Regarde ce que je vais te faire. On va voir si toi, tu veux élever l'élevage à face de moi. Et il a fait quoi? Il a tué cet homme. Et il a pris sa blé. Il a ajouté dans son bol. D'après toi, roi d'Arabie. David. Ufatana na wemfana David. Quel est ton jugement envers les héberges? Utakata mambo ni namna kale wa Daudi. Daudi anashirika mtu anaona hivi. Anastahili kufa. Wala kumtundika. Quel est bon jugement? Ukumkani ya mzuri. Et le prédicateur est dit. Na mhubiri akasema. Et si dit le Seigneur. Hivi Bwana Mungu anasema. C'est toi. Ule mtu. C'est toi David. Ni wewe Daudi. Alors tu toi toi-même. Sasa useme wewe yuriwe wewe mwenyewe. Mais comme il était un enfant de Dieu. Bila rugo mtoto wa Mungu. Il a reconnu. Alitambua kosa yake. Il a pleuré. Alilia. Il a mis sa vie en or. Alitengeneza maisha yake. Si tu es un enfant de Dieu. Kama mtoto wa Mungu. Reconnais ton péché. Utambue zambi yako. Et mettez ta vie en or. Utengeneze maisha yako. Puisque Jésus vient bientôt. Dieu Yesu yuko anakuja sasa hivi. Il ne peut pas aller au ciel. Hawezi kwenda kumbingu. Avec un essuyé. Na mabuchafu. Le ciel ne reçoit pas d'essuyé. Mbingu haipokei yake buchafu. Est-ce que mes frères vous me comprenez? Ni bantu kumunanifuata. Bien aimé, il me reste combien de minutes? Mapendo kuna wacha dakika ngapi? Je dois arrêter à quelle heure? 11 combien? Ah, wendelesh, continue. Alors mes frères. Basi banduku. Nous pouvons continuer. Tutendele. Maintenant revenons dans Genèse 6. Turudie mwanzo sita. La Bible dit quoi? Biblia nasema lorsque les fils des hommes wakati batoto ya bantu ont commencé à se multiplier, wakaanza kusala na padunia, vous les enfants de Dieu, mwe batoto ya vous les avez envie, muri batamania. C'était les enfants de Dieu. Barukwa batoto ya Mungu. Les enfants de Satan. Batamania batoto ya Shetani. Les enfants du monde. Batoto ya mudunia. Qui était convoité. Barukwa na batamania. Les enfants de Seth. Barukwa na batamania kwa batoto ya Seth. Et ce soir, ce matin, je parle à vous, les enfants de Dieu. Arrêtez d'envier les convoités, les hommes du monde et les femmes du monde. Puisque la convoitise ne va pas te conduire dans une bonne chose. Où est la convoitise? La convoitise te conduit à l'impudicité. Kubusinifu. Si vous avez déjà dit ça. Ce n'était pas les mariages. C'était les concubinages. Et quand Dieu a vu comment mes enfants pouvaient aller vivre comme des païens. Écoutez-moi bien. Les concubinages. Ce n'est pas la vie des chrétiens. Mais aujourd'hui, dans les messages, les concubinages, c'est une monnaie courante. Ina kwa sasa mingi. Frère, sœur, dada, le malheur, ole, le jugement, ukumi, la mort, aya, plane sur ta tête. Lufu ikuyulu ya kichwa yako. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Je vais exterminer cette race d'incrédules. Vous savez comment Pierre les appelle? Ceux qui étaient morts du temps de Noé. Pierre dit ceci, 1 Pierre 3:20. Il dit quoi? Tatu, qui était autrefois incrédule. C'est-à-dire, tous ceux qui étaient morts du temps de Noé, c'était des incrédules. Ils avaient la possibilité de mener une vie correcte, de sauver leur vie, mais ont préféré la prostitution. Et Jésus dit dans Luc 17, 26 à 27, ce qui était animé du temps de Noé, ça se reproduira avant l'enlèvement du temps. Si tu es dans les concubinages, sache-le bien que la mort déjà est devant toi. À moins que ce matin, tu fuis et tu entres dans l'arche. C'est l'unique moyen, l'unique cachette, où tu peux te préserver, c'est entrer dans Jésus-Christ. Ni kuingia ndani ya Yesu Kristo. Et nous sommes dans les messages. C'est parce que nous avons fui les concubinages. Le message, c'est notre âge. Le message, c'est notre cachette. Cachons-nous bien dans les messages. On n'est pas dans les messages pour reproduire les choses que nous avons fouillées. Est-ce que vous me comprenez là-bas? Oui. Dio. Il est à votre intérêt de comprendre. Et dans Jérémie 10, verset 2, la Bible dit, et si Paul est l'Éternel, n'imitez pas les voies des nations. Amen. Amen. C'est Dieu qui parle. Nous ne sommes pas déjà des nations. Dieu nous a fait déjà sortir. Alors, si elle se comporte de la sorte, la Bible dit, aucun de nous parmi nous ici n'imite ceux qui se font dans les morts. Si elle porte des cabines, des boucles d'oreilles, des maquillages, la prostitution, nous, même si les gars, nous les avions pas. N'enviez même pas un politicien. N'enviez pas un député. Puisque toi tu vaux plus qu'un député. C'est la vérité. Frère Branham dit, c'est un enfant de Dieu. Vaut plus qu'être même le président des États-Unis. On les appelle des honorables. Mais ce sont des corrompus. Des voleurs. Des assassins. Des honorables. C'est nous les pousses. Les hommes et les femmes dignes de confiance dans la vie. Quand vous fuyez dans notre vie, il n'y a pas de cachette. Nous n'avons pas la vie privée. Notre vie, c'est Jésus-Christ. Oh, que Dieu soit loué. Oh, Mungu asifiwe. Et si bien aimé dans le Seigneur, c'est la raison pour laquelle nous pouvons lire un témoignage de frère Branham pour aller dans le deuxième point pour régler la situation. Et avant de lire frère Branham, un verset me revient à la tête. Genèse 19, verset 19 à 25 à 26. C'était l'autre qui était en plein souillé débordement de Sodome. Mais les anges l'ont dit. Qui a trouvé grâce? Sort de cette ville. Car nous allons les brûler vifs. Et l'autre dit, si j'ai trouvé grâce, ne fais pas descendre encore les faits. Laissez-moi m'y réfugier là. Dans cette ville qui est dans ma face. Et les anges l'ont dit, si tu as trouvé grâce, mais sauve ton âme. Hâte-toi. Fais vite d'aller te cacher. Et frère Branham vous dit, maintenant, pendant que nous attendons le retour de Christ, ces deux images doivent être ici, toi, ce matin, si tu n'as pas encore pris la décision pour le Seigneur Jésus-Christ. Si tu n'as pas encore eu le baptême, si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, ouvrez l'oreille, écoutez. Les temps que nous vivons, c'est un temps de sortir de Sodome et d'entrer dans l'arche. Vous devez sortir de quelque chose pour entrer dans quelque chose. Et on doit sortir de quoi? Tout ce qui peut t'amener à la mort, tout ce qui peut t'amener à l'enfer mérite votre sortie. Et tout ce qui mérite d'être préservé, d'être sauvé la vie, mérite votre entrée. Et l'unique endroit où tu peux te préserver pour garder la vie, c'est en Jésus-Christ. Entrez en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Même ce que vous voyez l'entrée de se passer en Russie. Les armes nucléaires. Écoutez, frère Branham. Un homme appelé de Dieu. Paragraphe 167. Verset Shekina. Maintenant, C'est la fin de la dispensation des nations. Et la Russie. Entre parenthèses, le communisme. C'est-à-dire les Coréens. Les Chinois. Les Indiens. Les Indiens. Les Iraniens. Les Iraniens. Les Russes. Tous ces gens-là qui possèdent des armes sophistiquées, ils sont dans un système appelé le communisme. Et frère Branham dit, même la Russie possède également une bombe atomique dirigée droit vers nous, les États-Unis, pour mettre fin à cette dispensation. Mais vous en faites pas. Ça va venir. Itafika. C'est ce que la Bible dit. Jokile Bible est nasema. Cela viendra. Itafika. Une bombe moya. Avec un nom écrit dessus les États-Unis. Nanjina ile wananjika pale hiyo Amerika. Une seule seconde. Mudakika moja tu. Les États-Unis sera réduit en poussière. Amerika bata. Toute la nation. Bomona taifa mzima. Dubranama asema. Ça sera l'anéantissement total. Itakuwa kuiteketeza kabisa. Remarque. Tazameni. C'est Dieu qui fait cela. Ni Mungu yuko anafanya vile. Je sais que là en Russie. Mimi najua sasa mule mu Russia. Le président une liberté totale. Ah ule rais yuko na uhuru kabisa. Mais c'est une bande de païens. Ah lakini ni kundi ya wapagano. Et Dieu n'a pas suscité des nations païennes. Mungu ashughulamishe taifa la wapagano. Ume Israel ou pas. Jua kuweka mu Israel mu watu. Dans le passé. Zamani, la Bible déclare que la Russie et le communisme na ile sont communisme. Simplement des instruments entre les mains de Dieu. Beko tu vyombo mu mikono ya Mungu. Pour faire quoi? Jua kufanya pour nini? Exterminer carrément jua kumaliza kabisa, les kabisa. Gens de la surface de la terre. Batu pa dunia mzima. Du temps de Noé, Dieu avait dit que je vais exterminer. Mais avant d'exterminer, Noé construit l'arche. Après, Kisha, je vais me charger des incrédules. Vrai ou faux? Kweli bongo. L'histoire se répète. Les gens disent la Bible mais ne comprennent pas. Biblia, lakini, mais ces armes atomiques là, c'est atomique. Ça qui va mettre fin à cette civilisation. Iki zungu yote. Mais écoutez maintenant, dans la prédication, c'est rangé du côté de Jésus. Ngambo ya Yesu. Paragraphe 56. Frère Branham dit, et comme Enoch, sawa Enoki, il est monté alipanda, afin qu'une seule goutte de pluie n'ait touché la terre. Il était déjà parti. Virgile. Mkato. Retenez ça. Mwishike. Avant Mbele, que le jugement, ya la colère Kasirani, de Dieu ya Mungu, touche la terre, kugusa dunia, détruise la terre, kuharibisha dunia, et non que l'élu de Dieu Enoki mteule wa Mungu, ne devait pas voir ces choses. Et non qu'elle devait être enlevée. C'est après l'enlèvement de l'homme que maintenant il a goutti de pluie. Retenez ça, on va revenir. Ça, c'est le premier point. Il dit encore. Noé. Noah était entré dans l'arche avant que Mbele le robinet de la terre, la tribulation, Mbele ne survienne. C'est-à-dire avant que le monde entre dans la douleur, dans la souffrance, mateso, dans la mort totale. Noé était déjà bien dans l'arche. Et l'âge, na safina, c'est ce message. Ni ujumbe, munasika. L'âge, c'est l'enlèvement. Safina, ni avant que bien-aimé dans le Seigneur, ce monde puisse être écroulé. Bele dunia kwa ribika. Nous les Noé, sisi ba Noa. Nous les Enoch, sisi ba Enoki. Nous partons d'abord. Tutakuwa benye kwenda kwanza. Suivez. Mufate. Troisième point. Kiatatu. Lot. Lota est sorti de Sodome. Alitoka Sodome avant que la tribulation le feu ne tombe sur Sodome. Bele amateso makubwa moto kuanguka msana. Branham dit vous voyez. Branham asema unaona. L'église kanisa sera parti bien avant. Itakuwa neshaenda kwanza kwanza. Avant la période de la tribulation. Bele ya wakati ya mateso makubwa kufika. Saisissez-vous cela. Eti munashika. C'est-à-dire nous comme nous sommes là. Wakati tuko hapa. Ici du 3e guerre mondiale. Je vais frapper les États-Unis. Tapika America. Non. Apana. Ils ne vont pas frapper maintenant. Ava tapika America passa sapana. Dieu anine. Toi et moi. Nous sommes à Kambove. Tungariki mukambove. Mais maintenant. Sasa. Quand nous voyons. Wakati tunaona. La dimension. Quand nous voyons. Wakati tunaona. L'esprit. Bro. De ces politiciens, siasa, ça leur repousse à quelque chose. Mais fulani. Qu'est-ce qui les retient? Sasa ninini na bashika? Les pousse. Bibi Arusi. Et nous regardons, na les armes sont déjà fabriquées. Les armes sont déjà fabriquées. Ils sont prêts. Mais pourquoi? Dieu anini? Toi, oui. Tu sois sauvé. Upate kokolewa. Frère, Duku, notre départ kwenda kwetu, n'est plus loin. Hakuna tena mbari. Quand vous regardez ces armes de Russie, des Coréens, des Iraniens, des Américains, des Européens, quand vous regardez même la guerre en Russie, en Ukraine, ça, c'est un entraînement simplement. Ils sont en train simplement de s'exercer. La famine complète, la crise alimentaire mondiale. Frère, tout ça, ce n'est rien. Mais quand nous nous allons partir, il n'y aura pas de solution. Aucun Union africaine, aucun Union européenne, aucun ONU, aucun pays quelconque n'arrêtera cela. Parce que le frère Branham dit, c'est Dieu lui-même qui va jouer les dames. Mais quand vous voyez cette tension, qu'est-ce qui le retient? Qu'est-ce qui retient Poutine? Il t'attend que toi tu reçois les salis. C'est pourquoi la Bible dit, cette bonne nouvelle du royaume doit être proclamée pour chercher les élus, pour sauver les élus. Yeah. Nduku, il y a beaucoup à dire, mais l'État nous manque. Mais revenons maintenant. Sasa, la loi de naissance. Verset 34. Verset 25. La Bible dit quoi? Biblia Jacob donna son pain. Pour faire quoi? Pour prendre à Kerry les droits de naissance. Frère Branham, qu'est-ce que cela dit? Ça veut dire. Frère Branham dit ceci. Dans la prédication, Dieu manifesta ses dons. Suivez. Pour que vous ne disiez pas que frère Isaïe avait dit. Écoutez ce que Dieu nous dit. Paragraphe 24. Venir à Dieu n'est pas une chose facile. Comme on l'est passé, comme on l'est passé. Comme les gens essayent de vous le prêcher. Il y a un grand prix à payer. Le sali est gratuit. Le sali est gratuit. C'est vrai. Mais il vous faut d'abord vous débarrasser de beaucoup de choses. Pour que Jacob reçoit les droits des mères, il a accepté de se débarrasser de sa nourriture, de son pain, de sa vie. Il a donné sa vie à Esaü. Mais c'était une vie d'un jour pour gagner les droits des mères, la bénédiction sans fin. Vous ne pouvez pas avoir les salles tout en gardant la vie du péché. Vous ne pouvez pas gagner Jésus-Christ en gardant la vie de ce monde. Pour avoir les salles, donnez à Dieu votre vie et Dieu du ciel te donne la tienne. Donc les salis, manake okavu, ça qui parle un échange. Utaipokea mukubadirishana. Toi tu donnes ta vie. Wewe unatoa bushima yako kwa zambi unampatia Mungu. Ta vie de corruption. Bushima kwa kuandika. Ta vie de débauche. Bushima kwa busharati. Na Mungu te donne sa vie sainte. Anapatia bushima yake takatifu. Bushima milele. Si tu es de Dieu, kama kuwa Mungu, viens le recevoir ce matin. Ukuye uipokea asubuhi ya leo. Frère Branham dit ici, les salis, bien qu'il est gratuit, mais toi aussi, tu dois donner quelque chose. Et qu'est-ce que tu dois donner? Pas les habits, pas la nourriture, mais ta vie. Alakini ni bushima bwako. Écoutez, musikie. Il dit encore ici, asema tena hapa. Il parle de la femme, anasemea kuhusu mwanamke, la reine de Seba, ule malkia wa Seba. Oh, le temps me manque, frère. Oh, wakati nanikosea nduku. Il dit, anasema, cette femme, mwanamke, quand elle a appris, wakati alipata habari, qu'il y avait un don, ya kwamba kulikuwa zawadi, en Israël, Muisraeli, elle a accepté de quitter son père. Alitikia kuacha taifa yake. Pour aller là où il y a les dons. Et ce matin, il y a les dons de la vie éternelle. En Jésus-Christ. Pour la voir, il faut quitter la vie du péché. Et frère Branham dit, cette femme, elle était déterminée. Frère Branham dit, quand un enfant de Dieu, son temps est arrivé de donner sa vie au Seigneur, il est prêt à céder tout. Pour gagner Jésus-Christ. Et cette femme, la reine, elle a accepté de céder son honneur. Toi, la reine, tu vas simplement pour écouter. Oui, je vais pour écouter. Frère Branham dit pourquoi elle était un enfant de Dieu. Elle a sacrifié son honneur. Elle a sacrifié sa réputation. Elle a accepté d'être critiquée. Et pour arriver là où il y avait les dons, il faut trouver voici les dons de chambres. Il a dit même si c'est souffrant, c'est vrai voyage. Ce voyage va me procurer les dons qui est à Jérusalem. Et c'est donc Jésus-Christ. Dieu a tant aimé les mondes. Il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Et qui a quitté ta maison comme la reine de Séba pour écouter les messages de ce matin. Si Dieu t'a parlé, alors donne ta vie au Seigneur. Et frère Branham dit, en tant qu'une femme, elle a risqué même sa natie. Dans les déserts, il y avait trop de brigades des Arabes qui pouvaient les violer. Une très jolie femme, mais elle a déconsidéré sa beauté parce qu'il y a quelque chose qui l'a dit. Et en partant, frère Branham dit, elle n'est pas allée mais vite. Mais elle a mené quoi? Des dons. Arrive Mazawadi. Les meilleurs. Frère Branham dit, si vous avez trouvé que Jésus-Christ, le message, c'est le doigt de naissance qui contient des bénédictions, vous n'hésiterez pas de donner tout ce que vous avez pour la parole. Même votre argent, donnez-le si la parole véritable est prêchée. Puisque ce que toi tu vas bénéficier, c'est plus que ça. Oui, je sorte, le temps me presse. Genèse 49, verset 1, verset 2. J'ai dit ceci. Écoute Israël. Usikilize Israël. Je vous annoncerai. Tamitangazia. Ce qui vous arrivera. Ile tamifikia. Dans la suite du temps. Muwakati. Rassemblez-vous. Mukusanike. Et écoutez fils de Jacob. Na musikilize mwe. Écoutez Israël Jacob. Votre père. Musikilize Israël baba yenu. Écoutez-moi. Écoutez. Musikie. C'est l'œuvre du Dieu de ton père. Hii ni kazi ya Mungu wa baba yako. Qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira des bénédictions des cieux. Des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions de ma mère et du sein maternel. Tout cela nous le procurerons dans l'œuvre du Tout-Puissant. C'est-à-dire dans l'œuvre de Dieu, il y a les bénédictions des cieux, il y a les bénédictions de la terre, il y a les bénédictions conjugales. C'est-à-dire, si nous voulons être bénis, donc notre réseau, c'est l'œuvre de Dieu. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Genèse 27. Verset premier. Suivez, nous allons vers la fin. Je vais arrêter. Jacob a dit, je vais mourir. Non, c'est Isaac. Je vais mourir. Mais je ne connais pas les jours de ma mort. Mais le premier aîné qui a le droit de naître jusqu'à présent, sa bénédiction, je ne lui ai pas encore donné ça. Mais pour te les donner, servez-moi d'abord. Va dans les champs. Tu es animal. Préparez. Servez-moi. Je mange. Mon âme se réjouit. Après, je vais te bénir. Vous voyez que la parole de Dieu ne se contredit pas. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Jacob était le type. Non, Isaac était le type de Dieu. C'est-à-dire pour que Dieu nous bénisse, il nous demande, nous les premiers aînés, de les servir. Et à les servants, nous devons arriver à faire plaisir à Dieu. Pas servir Dieu pour lui offenser, mais servir Dieu pour que Dieu soit content. Quand l'esprit de Dieu est satisfait, c'est à ce moment que les bénédictions de Dieu vont tomber ici. Dieu va ouvrir les ciels. Dieu va ouvrir la terre. Dieu va ouvrir les robinets. Il n'aurait même pas de stérilité. Pourquoi Dieu s'est pris de notre travail? Mais vous refusez de servir Dieu. Mais la condition pour que Dieu te bénisse, bien que la bénédiction, Dieu te l'a promis, mais pour te recevoir, rends service. Chacun rend à Dieu service. Et quelle est la service? La nourriture. Quand il envoie le premier-né, il va dans la forêt. Oh, il n'était plus le premier-né. Dieu entre à Rebecca. Mungu. Il dit à Jacob, Jacob, Jacob va là-bas. Amène-moi un agneau. Je prépare pour toi. Pikia. Mais c'est toi-même qui va servir ton père. Puisque je lui ai entendu qu'il veut mourir, mais il ne peut pas mourir sans bénir le premier-né. Jacob aussi Jacob a fait le travail. Il a donné à sa mère. Sa mère a préparé. Il dit, va à ton père. Et Rebecca signifie l'église. Nous, l'église, notre rôle, c'est de vous enseigner comment vous devez faire pour être béni de Dieu. Et pour que Dieu vous bénisse, que chacun serve le Seigneur. Selon ses moyens et selon ses capacités. Et en servant le Seigneur, servez-le avec un cœur ouvert et joyeux. Et vous verrez comment Dieu va te bénir. Jacob mange. Jacob Isaac mange. Anakula. C'est rassasié. Il dit, il a fait les renvois. Ah, écoutez maintenant. Biola, ouvrez largement vos oreilles. J'aime beaucoup ces versets que je vais lire. Alors, basi, au verset 27, Jacob s'approche. Jacob senti l'odeur de ses vêtements. Puis il est béni. Verset 28. Quelle bénédiction! Que Dieu te donne la rosée du ciel et la graisse de la terre, du bleu, Ngano, du vin vigno, en abondance, katika wingi, c'est-à-dire en grande quantité. Verset 29. Que le peuple te soit soumis. C'est une bénédiction. Ça, c'est troisième. Première bénédiction. Le ciel envoie la pluie. Deuxième, la terre fasse sortir de la graisse en abondance. Troisième, l'autorité. Que le peuple te soit soumis. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher si le serpent, si le scorpion, et si toute la puissance de Satan, et rien ne peut vous nourrir. C'est quoi? C'est une bénédiction. Le pouvoir, Uwezo, l'autorité. Ce n'est pas terminé. Ayamalizika. Quatrième, Yaini. Maudit soit quiconque Alani wa qui maudira Israël, et béni quiconque qui bénira Israël. Qu'est-ce que cela signifie? La sécurité vous est accordée. D'où cela provient? Des droits des mains. Il a toqué quoi l'Ali Abuzali wa Bokwanza. Ce que ça avait méprisé. Mais regardez ce que cela contenait. C'est-à-dire, les bénédictions du ciel. Jacob est reçu. En échange, d'un seul plat de la nourriture. On dit quoi? La graisse de la terre. C'est-à-dire, le cuivre, les uranium, le pétrole, le manganèse. Tout ce qui assure la terre. Ton héritage. Tébé. Même tes chats en abondance. C'est quoi? Nini? Je te le donne. Ce n'est pas terminé. Je te donne encore le pouvoir. Uwezo. Tout le monde à genoux devant toi. Mbele yako, et bote. Encore, moi-même, je te sécurise. Ta kukinga, ta si tu es un sorcier, un marabout, un voleur ou quelqu'un qui devient jaloux, qui cherche à te nuire, c'est Dieu qui le dit. Mungu njo atamutendea mbaya. Ça, c'est exagéré. Quand Dieu bénit, frère, même toi-même, tu vas être si la bonne. Et d'où cela est provenu? D'un seul plat. Avec un seul pincelement. Et toutes ces bénédictions, lui est arrivé, frère. Vous voyez, dans l'église, suivez ici, bien aimé dans les Seigneurs. Puisque pendant que Dieu part, chacun fait l'expérience de sa façon. Ne manquez pas cela. Puisque l'État de Dieu de vous bénir déjà. Ya Mungu akumbariki nesha pika. Mais ce que Dieu demande, Mungu anaomba, servez-le. Ni mutumikie. Après avoir gardé la parole, maintenant soutenez l'œuvre de Dieu. Sasa musaidie kazi ya Mungu. Arrêtez l'égoïsme. Usimamishe choyo. Puisque l'égoïsme ne peut pas te donner ce que Dieu peut vous offrir. Le Mungu anaweza kutolea. Apportez la dîme, apportez l'offrande, soutenez l'œuvre missionnaire, et tu verras. Gloire au Seigneur. Je vais maintenant poser la question. Quelle est la bénédiction matérielle que Isaac a donnée à Jacob? Est-ce que Isaac manquait des troupeaux dans sa maison? Moi, je pensais, ce devait être peut-être un bic magique ou un testament. Voilà testament ou la clé de sa voiture, voilà fungula ya gari, ou le livret de la maison, voilà mikanda ya nyumba. Mais la bénédiction, lakini baraka, c'était des paroles prophétiques. Ilikuwa ni misemo ya unabii. La parole Neno, prophétique ya unabii, c'est ça. Jo ile. Et celui qui le recevait avec quoi? un cœur ouvert. Avec la foi. Isaac parle et Jacob croit. Est-ce que vous saisissez? Alors cette bénédiction, c'est le message de l'heure. C'est pour cela, quand vous écoutez la bonne prédication, c'est une grande bénédiction. Malgré Jacob a servi son père, mais par rapport à ce que le père lui a réciproqué, qui a gagné plus? Répondez-moi. Qui a gagné plus? Est-ce que c'est Jacob ou bien Isaac? Ouvrez le cœur au Seigneur. Après, Kisha, le vieux Esaü vient. Papa, viens manger. C'est qui? Ni nani ule? Moi, ton fils aîné. Parce que tu avais déjà vendu ton droit. Et Dieu a respecté le contrat. Maintenant, dans la chair, il revient. Le papa dit, mais il n'y a plus rien ici. Quelqu'un est venu m'a servi. Je regarde mon fan. Je suis déjà rassasi. Et je l'ai béni. Na, miri umbariki. Et assurément, il est béni. Anabarikiwa. La Bible dit quoi? Dis-je. Je n'ai plus le temps de lire. Jacob, il n'a rien fait. Toi-même, tu lui avais vendu. Moi, mon Dieu, je suis tu ne savais pas ce que tu avais. Avait cette importance. Maintenant, tu viens le pleurer. La facture a été déjà signée. C'est trop tard. Et dans Hébreu, chapitre 12, verset 16, verset 17, Jacob a dit, vous voyez, malgré Esaü, a pleuré ou demandé à son père de lui donner la bénédiction, mais rien ne pouvait être changé. Pourquoi? Il avait déjà vendu. Et c'est ce qu'Israël avait fait. Quand Judas a vendu le Seigneur, Matthieu 27, verset 3 à 7, quand il a vendu le Seigneur, il revient encore auprès de ces gens-là. Prenez votre somme. J'ai trahi le sang innocent. Donne-lui ça, te regarde. Où est notre problème? Lisez. Moi, je ne lis pas, mais vous lisez ça. Israël. Israël. Qui est représenté par Judas? J'ai livré le sang innocent. J'ai vendu les droits de naissance. Prenez votre argent. Remettez-nous Jésus. Nous vous regarde. Ce n'est pas notre affaire. Vous l'avez déjà vendu. Ça vous regarde. Ne pleurez pas. Après le trop tard. Si y a un temps de pleurer, c'est maintenant où il y a la possibilité de récupérer ce que vous avez perdu. Mais après cette occasion, tout était plein, tout est sacrifice, tout est don, n'aura pas d'effet. Et qu'est-ce qui est arrivé à Jacob? Et à Judas, il a jugé la corde. Je veux me battre. Pourquoi? Est-ce que cela a changé quelque chose? Cela a changé quelque chose? Je vous pose la question. Cela a changé quelque chose? Oui, n'a rien changé. Et Jésus dit ceci. Na Yesu anasema hivi. Un homme avait une bonne vie. Riche. Il est venu pour chercher les droits d'aînés. On va gagner les droits d'aînés. Le jeune homme riche dit non. Vivre dans la misère. Marcher pied. Habiller. Non. Allez, va vivre dans ton bonheur. Lui vivait dans le bonheur. Mais le pauvre Lazare dans la misère. Mais tous les deux étaient morts. Ce que vous devez savoir, que vous ayez les choses de ce monde ou pas, la mort, c'est un rendez-vous. Oh, ni mapatano ya kila mtu. On ne meurt pas parce qu'on ne mange pas bien. Atukufaki jua tukulaki mzuri. On ne meurt pas parce qu'on n'a pas d'argent. Atukufaki jua tunana feza. Que vous l'ayez ou pas. Uwe na feza la wapana. Mort Lufu. Vous arriverez. Itakufikia. Mais après ta mort. Kisha wekufa. Après avoir couché avec toutes les filles. Kisha kutembea na babiba na mke wako mtu mwingine. Après que tous les patrons vous ont couché. Kisha ba patron bote kutembea na wewe utakufa. Après tu vas aller. Kisha utende wapi? Où était allé le jeune homme riche? Dans le paradis. Arenda wa bi, au paradis wa bana. Arenda pa fasi ya mangaiko. La Bible dit. Biblia nasema. Il était là en train d'être tourmenté par le feu. Mwenye kuangaishwa na moto. Et il regarde Lazare. Akangalia Lazare. Père Abraham. Baba Abraham. Je souffre. Ninateswa sana. Je souffre. Ninateswa sana. Fais moi tomber même une goutte d'eau. Baniangusha ta toni moya mai. La réponse était catégorique. Jibu ya kwamba pana. Ici, apa, c'est trop tard. Kwa nyuma, ici, il n'y a pas de droit à tout faire. Vous, vous êtes là-bas. Nous mbari, nous sommes ici. Mais c'est la terre. Apa, dunia, c'est toi qui étais la plus jolie femme. C'est toi qui étais l'homme le plus fort. Qui devait coucher avec les femmes du monde. Maintenant, après les avoir couchés, regarde là où tu vas aller. Dans la tourmentation. Et ce que tu voyais comme les imbéciles, ils sont là en paix. Écoutez, il dit Père Abraham, Baba Abraham, je te demande une requête. Envoyez Lazare, qu'il aille dans la maison. J'ai cinq frères incrédules, qu'il les reconfirme que ce que Isaïe l'a dit est la vérité. S'il n'écoute pas, il ne va me rejoindre ici. Je ne veux pas que mes frères souffrent comme nous. Abraham a dit, même si il est mort, il est ressuscité. Et aller les reprécher. Comme ils sont des ingrédients, ils ne croiront pas. D'ailleurs, à Kambov, ils ont Ngoï, ils ont José. Et vous avez encore Esaïe. Que vous l'écoutiez. Si vous ne les écoutez pas, même Branham ressuscite, vous ne croirez pas. Est-ce que vous avez saisi? Je dois arrêter mon heure et terminer. L'autre partie, Dieu pouvoir. Écoutez maintenant un témoignage. La grâce de Dieu. L'état de l'unité. L'état de la réconciliation. Un jour. Suivez, je termine. Frère Branham était allé visiter un frère qui avait une usine de fabrication de pièces de rechange. Et c'était le soir. L'homme l'amène pour visiter. C'était une salle comme celle-ci. Les travailleurs étaient déjà partis. Mais le sol était plein de déchets. Alakini, des pièces de rechange chini, ili ma pièce de rechange et Branham, Branham a reproché ses frères. Ule il dit toi qui n'es pas ordonné ici nasiba, una na usawa tu as laissé les travailleurs partir kazi mais wanaenda, la maison est sale la prédise demain ils vont commencer les boulots comment kazi kesho namna gani. Ils vont commencer d'abord à nettoyer batanza mbele après qui ne pas que ça s'arrête à aona, sima, le bien à faire c'est de nettoyer de partir. L'homme lui dit c'est bien, mais dans ma société ici, on n'a pas besoin des gens pour balayer. Il lui dit mais comment vous faites pour mettre la propriété à lever les dishes? Il dit attendez, cet homme est allé contre lui, il y avait un interrupteur, il a appuyé ce bouton tank. Quand il a appuyé ça, après quelques secondes, un bruit à la toiture. Frère Branham, regarde. Une grosse boule qui descendait noire. Quelle était cette boule? La boule d'aimant. Qui descendait doucement. Qui descendait doucement. Arrivé à un certain niveau. Au milieu de la Cispagne. Tous les déchets qui étaient Donc qui remplissait le sol. Mabuchafu yote abiuma biuma ile kwa mbulongo. Était en ébullition. Yote inaanza kutenka tenka. Bouger. Inaanza kutenka tenka. Bouger. Inaanza kutenka tenka. Inaanza tikizika tikizika. Fubranam dit je ne comprends pas. Misi elewe ni nini? Il y a un tremblement de terre ou comment dans cette ça? Il dit non. Asema pana. Il n'y a pas un tremblement de terre. Tetemeka. C'est l'aimant. Ile ni aimant. Qui fait bouger ces déchets. Kuna tikizisa hii mabipande ya mbona. Fubranam dit mais pourquoi ces déchets bougent? Chua nini mabipande ya mbona tenka? Ndugu Branam. Ce sont les déchets des métaux. Ni mabuchafu ya biuma. Et entre l'aimant et le métaux. Katikati ya aimant na biuma. Donc une liaison. Kuna kwa mapatano. Ce sont des matières ni biuma qui ont les mêmes compositions chimiques. C'est-à-dire ce qui est dans les mains et dans les métaux. Et les mains, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Les mains, c'est le message. Les mains, c'est les salis. Les mains, c'est la parole. Une fois qu'elle il descend, les déchets métalliques, ce sont les élus de Dieu. Qui remplissent la globe terrestre. Pour que les enfants de Dieu soient unis. Pour que les enfants de Dieu viennent à Dieu. On n'a pas besoin d'aller les faire les tests. Les COVID pour voir si la COVID. Semence de Dieu. Si Dieu a envoyé les mains. Et cette main, c'est cette parole. Cette parole, c'est celle qui attire les enfants de Dieu. C'est pourquoi vous constatez. Si Dieu de Dieu. Quand la parole est prêchée, là dans ton cœur, vous bougez et vous dites amen. Regardez notre frère qui est par terre. Qui l'a fait projeter? Qui l'a fait coucher? Qui lui a fait crier? Et toi qui envoies de dire amen. Il y a une puissance de l'aimant qui t'attire. C'est-à-dire la profondeur, la parole, la profondeur. Car la parole de Dieu prêchée, l'enfant de Dieu, là où il est, il sait ça que c'est à moi que Dieu parle. Et si tu es de Dieu, dans ton cœur, si tu sais quelque chose, viens maintenant au Seigneur. C'est Dieu qui t'appelle. Parce qu'il a dit, personne ne peut venir à moi s'il n'est pas appelé de Dieu. Moi, dans ce message, c'est Dieu qui m'appelle. La puissance d'éléments. Quelle est cette attraction? Il est ufuto, ninini? Si la montagne, Pamulima. Quelle est cette attraction ufuto, qui rassemble déjà ici? C'est l'éléma qui descend. L'éléma et les enfants de Dieu sont à terre. Saisissez-vous quelque chose? Et munashika. Quand l'éléma arrive à niveau, chaque métal, kila kakiuma, lui-même, saute. Il y a une luka. Il a fait sauter la puissance de l'éthique. Qui te dit d'accepter Jésus-Christ? Le Saint-Esprit. Nous ne gagnons pas les âmes par l'argent. Nous ne gagnons pas les âmes par les avantages. Jésus lui-même gagne les âmes par la parole. Il a dit que lorsque je serai venu dans la gloire, j'attirerai tous les hommes à moi. Tout ce que le Père m'a donné viendra. C'est lui qui est de Dieu. Ce matin, Dieu t'appelle. Et tous les métaux sautaient. Sautaient. C'était quoi? L'état de réunification. L'état de se réconcilier. L'état de revenir avec les propriétaires. Il a pris encore dans un autre territoire. Les mains montaient. C'est le type même de l'enlèvement. Quand Jésus viendra, ses pieds ne se posera pas ici de terre. Il sera suspendu dans les airs. Et nous les élus de Dieu, nous monterons à sa rencontre. Nous irons pour toujours. Tant les mains montent. Et quand il remonte, napanda, avec tous les mythes, Yambi, collé avec lui, il se sent tranquille, sans l'aide, sans l'escalier, mais par la puissance de Saint-Esprit. Et regardez les mains qui les amènent, et ils ont disparu. Ce n'est pas encore terminé. Quand Branham regarde, le sol, il y avait encore quelques histoires. Et il dit, mais frère, j'ai vu quelque chose de merveilleux. Mais je vois encore il y a d'autres déchets. Pourquoi ces déchets ne sont pas demander et être attaché à l'aimant pour partir comme un sac à fond de Dieu qui doit venir à Dieu, doit s'attacher à Christ pour l'amener au ciel avant que les bombes de Russie tombent. Alors pourquoi notre déchet jose encore la terre? Cet homme lui répond, ça ce sont les déchets des aluminium. On ne fabrique pas simplement des pièces de métaux, même des pièces d'aluminium. Na ma pièce aluminium na yo quoi? Et l'aluminium. Aluminium yo. Ne sera jamais ayezika mwe attiré quelle que soit la présence de l'aimant. Ataka maema inashuka je aluminium aitalamata kuema. Et frère Branham dit, gloire à Dieu, j'ai compris. Sasa. Les aluminium, aluminium, ce sont les enfants de Satan. Toto ya shetani. Même s'ils n'ont pas donné la vie au Seigneur, même s'ils n'ont pas encore eu le baptême, même s'ils vivent mal, même ils écoutent la vérité dans leur cœur, ils sont froids comme les sangs d'herbes. Et vous allez les voir ce matin. Quand les enfants de Dieu vont venir à prier, les aluminium vont rester là tranquilles dans leur incrédulité. C'est-à-dire, tout ce qui s'est dit, tout ce qui se fait ici, n'a rien à voir pour eux. Ce sont les fils de la perdition. Frère Branham dit, je comprends. C'est pourquoi vous pouvez prêcher l'évangile. Mais certaines personnes ne l'accepteront jamais. Pourquoi? Ce sont des incrédules. Ils sont voilés pour ne pas être sauvés. Et le troisième point encore, Frère Branham dit, je ne t'embête pas, mais la dernière question. Ma dernière question. Je vois une baffe qui est collé là au milieu. Mais je les vois fixés avec des histoires. C'est comme un autre truc ici. Alors qui retient cette histoire? Ça, c'est Ninana Nakishika. Ça, ce ne sont pas des métaux. Frère Branham, c'est toi, regarde, il dit, oui, je vois, ce sont des métaux qui ont été fixés par les écrous, par les boulons. Alors il dit, si ce sont des métaux, pourquoi l'aimant ne les a pas pris aussi? Il dit, la réponse est claire. Quand l'aimant descendait, il y avait l'attraction. Le métal est santé. Mais il a été vissé. Il a été cloué, boulonné. C'est pourquoi ces boulons l'empêchent d'aller s'attacher à l'aimant. Alors pour que ces métaux boulonnés aillent s'attacher à l'aimant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les déboulonner. Et dans cette église, il y a certaines personnes qui sont boulonnées, condamnées par les diables de mourir avec ta maladie, de mourir avec ta situation, de mourir dans ton péché. Mais Jésus-Christ a dit dans Isaïe 61, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car j'ai ma oin pour faire quoi? Guérir les malades, libérer les prisonniers et rendre libres les opprimés. C'est-à-dire, si tu es un enfant de Dieu, quel que soit le mal que tu t'es attaché, si tu as la foi, Jésus te libère. et j'ordonne par le pouvoir de la parole à toutes les personnes bouillonnées par la maladie, par les problèmes, par les troubles, par les péchés, qu'ils soient déboulonnés au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Lève-nous, je vais prier pour vous. Si la chorale peut chanter à la croix, où mourir mon sauveur. Je ne sais pas si vous chantez ça. À la croix, où mourir mon sauveur. On ne chante pas ça. Merci. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Ce que nous venons de chanter est une réalité. Il y a certains qui ont expérimenté cela. Et certains vont l'expérimenter ce matin. Je vais prier pour vous. Si vous avez la foi, gardez vos têtes inclinées. La foi connectée à la parole. Et les yeux fermés pour éviter la distraction. Ma question est celle-ci. S'il y a un frère, s'il y a une soeur, qui est un métal, et qui a écouté la parole de Dieu toucher son cœur, et qui comprend que Dieu l'appelle maintenant de venir à lui, et qui veut être un avec Dieu, et qui veut donner sa vie anapenda kutoa maisha yake avoir la vie éternelle ya kupata uzima wa milele alalia mzaliwa wa kwanza si tu es là ce matin kama uko hapo asubuhi ya leo et Dieu a parlé dans ton cœur Mungu anasema na moyo wako levez ta main là où vous êtes usimamishe mkono wako yule pale uko takuombea pour montrer que j'ai donné ma vie au Seigneur Dieu akuonesha sema mimi natoa maisha yangu kwa Dieu te bénisse Mungu akubariki Dieu te bénisse Mungu akubariki ma sœur que Dieu te bénisse baba Mungu akubariki ndugu yangu pale Venez passer devant. Mukaribie mkuyo kumbele. Venez. Mukuye. Vous qui êtes attirés par les paroles. Mwevale munafutwa na neno la Mungu. Mwevale Yesu anaita. Venez doucement ici. Mukuje tu polepole. Venez devant sa présence. Mukaribie tu mbele ya uwepo wake. Venez. Mukuje. Un signe de donner ta vie au Seigneur. Ya lama ya kutoa maisha yako kwa Bwana. Un signe de venir avec Dieu dans ta vie. Maisha ya kujiunga na Mungu. Et la Bible dit. Na Biblia inasema. Aujourd'hui si tu écoutes sa voix. Leo kama unasikia sauti yake. Na si c'est pas ton cœur. Usifanye moyo wako kwa Mungu. Là où tu es, approche devant le Seigneur. Ayez la foi que vous ne venez pas devant un homme, mais devant une femme, mais devant ton Dieu. Et il t'a appelé, et tu es son enfant. Et tu as répondu que Dieu te bénisse, mon frère. Encore. Si encore un frère ou une soeur, même là-bas au balcon, là au coin, n'hésitez pas. Venez maintenant, c'est le temps du Seigneur qui t'a offert pour que tu puisses régler ta vie et que tu puisses sortir ce matin avec les droits des nains, la chose qui te rendra heureuse tout le reste de ta vie, la chose qui te bénira, la chose qui te protégera, la chose qui te donnera l'autorité, c'est la parole de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Nous avons quatre frères et deux sœurs. Est-ce qu'il y a-t-il encore une autre personne qui veut donner sa vie au Seigneur pour que je vous consacre au Seigneur afin que je passe à autre chose? S'il y a encore quelqu'un là, n'hésitez pas de s'approcher. Venez ici devant. Je suis là simplement pour jouer l'intermédiaire de vous bénir et de vous conduire dans les mains du Seigneur. Que Dieu vous bénisse là. Je vois une mère en train de venir. Que Dieu soit loué. Nous t'attendons, mon frère. Ma soeur, Dieu veut ton salut. Dieu veut ta vie. Il a tout fait pour toi. Il ne te demande pas autre chose. Simplement de lui faire confiance et de lui donner ta vie. Et si tu es d'accord de lui donner ta vie, viens. Viens au Seigneur. Ouvre ton cœur. Consacre-toi au Seigneur. C'est toi que le Seigneur cherche. C'est pour toi que le Seigneur a parlé ce matin. Le monde va être détruit. Il n'y a pas moyen de te protéger en dehors d'être sous le sang de Jésus-Christ. Viens recevoir les salut. Pendant que je prie maintenant pour passer à autre chose, est-ce qu'il y a encore quelqu'un? S'il n'y en a pas, alors je vais prier. Dieu de grâce et de miséricorde, ce n'est ni par ma force, ni par la force de ce peuple, mais par ta puissance. Ta puissance est un aimant. C'est toi qui as attiré ces gens. C'est toi qui les as aimantés. C'est toi qui as attiré leur cœur. Et ils sont venus à toi, Seigneur. Ils t'offrent leur vie en échange de la tienne. Maintenant, Seigneur, prends les revues, prends-les à ta charge, prends-les, Seigneur, à ta responsabilité. Ôte toutes les culpabilités, ôte toutes les incrédulités, ôte tous les péchés, et que la bénédiction du salut leur soit donnée maintenant, au nom de Jésus-Christ, et qu'il soit, Seigneur, sous l'ombrage de tes bras. chini ya uongozi yako. Aucune puissance de l'enfer, de Satan, ne puisse le toucher. Haiwezi kubagusa. Que toi-même, tu les utilises pour l'intérêt de ton royaume. Garde le Seigneur dans ta présence, nuit et jour. Qu'il fasse l'expérience de la véritable nouvelle naissance. Qu'il fasse l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Qu'il fasse l'expérience du salut Seigneur. Qu'il te serve pendant le vie qui le reste à vivre sur la terre. Bénis le Seigneur. Communique ta bénédiction au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Maintenant, je vais prier pour d'autres personnes. Celui qui est malade, qui a été bourronné par une maladie quelconque, si tu as une maladie qui ne termine pas ce matin, Jésus a tout terminé. Si vous acceptez, levez ta main. Pour dire que je suis candidat de ceux qui sont affranchis, de ceux qui sont débouronnés. Adieu toi démon qui m'a dérangé, qui m'a tourmenté, qui m'a fait souffrir. Ce matin, je suis libéré et je lève ma main à titre de ma victoire, à titre de ma guérison. Vous qui élevez la main, levez la main droite correctement et ne doutez pas. Et je vais prier pour vous. Ayez la foi à Dieu. Il est écrit dans la parole. Je suis l'Éternel Dieu qui pardonne toutes vos iniquités et qui guérit toutes vos maladies. Maintenant, nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur les maladies et sur toute la puissance de Satan. Et aucune puissance ne peut rien vous faire du mal. Maintenant, je dors. Par le pouvoir de la parole de Dieu, de la Bible qui est devant moi. Pour Satan, Jésus t'a vaincu à la croix. Il a payé le grand prix pour la guérison de tous ses frères et sœurs. Et ce matin, ils ne te doivent rien. S'ils avaient péché, voici ce qui est écrit. Par les maîtrises de Jésus-Christ, ils ont été et le sang de Jésus a porté le salut dans les âmes et la guérison dans les corps. En tant que les représentants de Jésus, je vous commande par le pouvoir de la parole de Dieu. Il a été dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Toi, démon, quel que soit ton nom, quelle que soit ta fonction, dans le corps de ma soeur, dans le corps de mon frère, je te condamne. Qui n'a plus le pouvoir de le retenir sous ton otage. Je le relâche. Je le libère. Et je le proclame. Guéris tous. Au nom de Jésus-Christ. Je t'ordonne. Toi, Satan. De sortir. Sors. Au nom de Jésus-Christ. Et toi, Satan, je te mets en garde. Ne retourne plus pour tourmenter mes frères, mes sœurs. Ils ont fait, ils t'ont vaincu. Par le sang de Jésus. Tu peux. Tu peux nous bouder. Tu peux nous se soumettre. Mais pas Jésus-Christ. C'est non. Ça a vaincu. Le nom de Jésus. Ça a vaincu à la croix. Et ce matin, ce nom-là vous a vaincu dans le corps de mes frères, de mes sœurs. Au nom de Jésus-Christ. Que tous les problèmes. Mambo yote. Professionnel, ya kazi, conjugal, ya mundowa, spirituel, ya kiro, dans cette église, mwikanisa, je les libère au nom de Jésus-Christ. Que la bénédiction Baraka du Dieu du ciel soit donnée à cette église, oui, à mes frères, à mes soeurs, au nom de Jésus Christ. Et la grâce de la terre soit donnée au nom de Jésus Christ. Et la protection soit assurée par les noms de Jésus Christ. Lève-toi sur nos mains. Après avoir chanté le troisième couplet, nous allons que remercier le Seigneur. Je suis prédestiné avant la fondation. Je suis prédestiné avant la fondation. Je suis prédestiné avant la fondation. Tes jours de gloire. Quand je sais, au moins je chante. Gloire, quand Jésus m'a sauvé. Alléluia. Gloire, quand Jésus m'a sauvé. Gloire, quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Remercions le Seigneur. Donnez-Dieu à toi les grâces. Priez tous.